Et paf! Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rentrée du podcast du collectionneur. On vous a fait des trucs nouveaux. On teste. Ça marchera pas, ça marchera. On sait pas. Le plus important, c'est que tu me dis quand on est en ligne, surtout. Ouais, voilà. Donc, sors la main de ton slip, là, ça va se voir. Donc voilà, on a mis des webcams, on va tester si ça marche, si ça marche pas, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si c'est de la merde, on verra. Alors il y a Bozdik n'est pas là en fait, hein, mais il est là dans notre cœur. Exactement. Et vu que c'est la merde, je vais regarder la régie vite fait et je vais laisser Beyond prendre la suite peut-être. Yep. Donc voilà, ce soir podcast 2.0, podcast de la modernité, podcast de la webcam, alors de la webcam pour voilà. On tente un truc, on se dit tiens, depuis quelque temps, on montre nos têtes à gauche et à droite, là on n'a plus peur de rien, vous voyez. Depuis que la technologie évolue aussi, on s'est dit que on allait faire une espèce de podcast pour faire évoluer un petit peu la formule en montrant nos têtes, en montrant peut-être des choses en cours de process. Tout ça. Bon, l'idée c'est toujours le podcast du collectionneur, c'est-à-dire que vous êtes les bienvenus pour parler de rétro, pour parler de collection. Ce soir, on va évoquer la série des Mario RPG. Et alors, la question qui arrive toujours dans ce genre de cas, c'est est-ce que vous avez parlé du Paper Mario ou du Mario et Luigi ? Eh bien, tous. On va essayer de parler des deux branches principales des Mario RPG. Voilà, et pas après, comme c'est écrit dans le titre, hein, bien sûr. On parle de tous. Et en fin de stream... Ah oui, alors effectivement, Pulpi me signale, Moa, que Monsieur Chou et la petite Pelle sont inversés dans les pseudos. C'est vrai ? Ah, oui. Bah quand Pelle a eu son problème, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais dire plein de conneries et je me ferai passer pour Monsieur Chou. Ouais. On va faire ça. Non, alors regardez les setups en live. Moi, dans l'idéal, je suis d'accord. Hein. Hop. L'idée, c'est que voilà, donc. L'idéal, c'est que ça marcherait pour tout le monde. Il se trouve que l'upload limité appel fait que là, pour l'instant, il est qu'en audio, parce que dès qu'il active la cam, ça pose quelques petits soucis. Oui, alors j'ai remarqué à ce sujet, Beyond, qu'en général, ça s'arrange sur les coups de 10 heures, bizarrement. Donc, intervenir, peut-être même justement pour le final, le meilleur. Le final, oui, puisque donc tu es censé nous présenter un jeu un petit peu plus tard. Non, c'est ça ? Présenter le jeu. Le jeu. The Video Game. Exactement. Et sinon, on va partir comme d'habitude, parce que nous sommes déjà fort en retard, pour les news, les petites new news. Quoi donc ? Non, j'ai fait des conneries. Encore ? Je m'amuse. Alors, vous en faites pas si ça pète en cours de route. Tu as le droit de t'amuser, moi. Tu as le droit. Je dirais même que c'est une prérogative. Ouais. Voilà. Je gère. Et donc, sur le coup, on va commencer les news. Alors, toujours pareil, moi, s'il y a un souci, tu n'hésites pas à interrompre pour dire ce qui se passe. On va commencer par des petites traductions. On va commencer par cette fan trad d'un jeu que tout le monde attend désespérément depuis très longtemps. La traduction de l'exclusivité Master System brésilienne Echo 2, les marées du temps sur Master System. Qui est enfin traduit en anglais, puisque donc il était en portugais-brésilien. On est tout à fait content de connaître enfin le scénario d'Echo 2. On se souvient donc de la grande qualité du scénario Echo 2 à base de dauphins extraterrestres, d'autres dauphins. Voilà. Et de voyage dans le temps, dans celui-là, et non ? De voyage dans le temps. Oui, parce que ça va. Tout va ensemble, j'ai envie de dire. Et d'enfin, traduction, je parle anglais maintenant qu'on voulait évoquer, hop, celle de d'un jeu auquel Moa a joué récemment. Oui. Pas de quoi tu parles. La fameuse secte Xenogears. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc, le jeu Xenogears, jamais sorti sous nos latitudes, a été fan-traduit en français. Ouais. Donc, sur le coup, les anglophobes vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Alors, il se trouve que peut-être que tout le monde n'est pas fondamentalement d'accord sur tous les détails de la traduction française qui a été faite. C'est ça. Mais pour le dire simplement et poliment. Mais cela dit, ça paraît quand même. C'est bien quand même d'avoir un jeu qui est quand même très complexe au niveau scénaristique et qui surtout demande un niveau d'anglais quand même plutôt bon pour saisir les subtilités. C'est sympa de voir ce genre de jeu. Non, en fait, la trad permet de comprendre le jeu pour ceux qui parlent pas anglais, quoi. Puis après, ouais, c'est des détails, en fait. Après, c'est des questions d'interprétation. Oui, c'est ça. Franchement, le jeu en lui-même, même le jeu en lui-même, il serait en français, il est quand même difficilement abordable en réalité. Ouais, exactement. Donc, je trouve ça plutôt bien d'avoir la trad FR, en fait, pour que plus de monde puisse le découvrir, quoi. Merci à la team qui l'a fait. Et dans le chat, Orif nous demande si c'était pas le 1 de Echo avec les extraterrestres. Bon, il me semble qu'il y en a dans les deux, moi, les extraterrestres. D'accord. Mais oui, effectivement, le premier. Justement, je voulais revenir sur ce titre-là, tu sais, qui est une traduction anglaise. Mais du coup, c'est un jeu officiel, quand même, cet épisode 2 Master System, ou pas ? Il est sorti officiellement, c'est Tectoy qui l'a sorti au Brésil. Donc, la plupart du temps, pour les jeux Tectoy exclusifs au Brésil sur Master System, comme. Il y avait, comment il s'appelle, Sonic Blast notamment, ou ce Tekko 2, ou le second Tasmania par exemple. C'est basiquement les versions Game Gear qui sont portées sur Master System un petit peu à l'arrache, hein, et qui sont fait par Tectoy. Donc c'est quand même officiel malgré tout, parce que c'est sous licence officielle Sega, donc il n'y a pas de... Voilà, y a pas... Oui, voilà, c'était ma question, parce que j'ai devant. Par contre, évidemment, si vous comptez vous fournir ce genre de jeu en original, les jeux brésiliens ont aujourd'hui oublié, les tarifs sont devenus... Voilà, à peu près. À peu près, oui. En gros. Sans transition, on va... Oui. Bon. Sans transition, on va passer donc à une autre news. On a retrouvé, bon, alors pas nous, hein. Il a été retrouvé un prototype de panel d'épaule, ce panel d'épaule, panel d'épaule, sur Nintendo 64. Donc un jeu Unrealized, qu'on va peut-être bientôt pouvoir émuler et jouer avec nos Everdrive pour ceux qui l'ont. Ah, mais c'est tout à fait, t'inquiète, en plus ce type de jeu, hein. Voilà, et donc sur le coup, c'est du petit jeu tout à fait sympathique, petit puzzle game tout à fait sympa qui a été retrouvé. Je trouve qu'en ce moment, on trouve énormément de ce genre de prototypes. Prototypes en ce moment qui sont vraiment découverts et des choses intéressantes. Ouais. Là, donc, Panel d'Épone, c'est le jeu qui est plus connu chez nous sous le nom de... comment il est sorti sous quel nom en Europe ? Tetris Attack, c'est ça ? Je crois, ouais. Et c'était... De toute façon, c'est le jeu Pokémon Puzzle League sur Nintendo 64. Ouais. Voilà, qui est sur le même principe. On dirait une espèce de version japonaise de Pokémon Puzzle League qui, en fait, c'est pas absurde de s'imaginer que le jeu était sous cette forme-là avant que, finalement, ils intègrent la licence Pokémon dedans. Ouais. Donc, sur le coup, un autre petit prototype à partager. Et c'est cool. C'était bien, moi. Bon, alors après, on va laisser parler Pell, parce que là, c'est une news spéciale pour lui. Alors, vous avez 20 minutes. Alors, c'est 20 minutes. En plus, c'est tellement... qu'un mot sur deux. C'est tellement une news Pell que c'est un lien JVC. Hein. Hop, voilà. Et d'accord. Donc, sur le coup... Vous n'entendez pas ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire. Si, si, on entend là. Ça crépite, donc, on entend. Ouais, d'accord, ok. Les créateurs de Suikoden annoncent un nouveau jeu. Donc un et nouveau surtout jeu. Surtout une campagne Kickstarter pour faire ce nouveau jeu. Vas-y. Mais laissez parler monsieur Pell, enfin. Voilà, oui, un Kickstarter pour lancer un nouveau jeu. Mais c'est surtout, en fait, le titre en lui-même et surtout son équipe qui a fait sensation, parce qu'en fait, on retrouve toute l'équipe d'origine de Suikoden, en fait. On retrouve carrément, donc, l'histoire, le scénario du jeu a été écrit par le scénariste de Suikoden 1 et 2, carrément, Murayama. Kawano s'est chargé du chara-design, à qui on doit Suikoden 1 et Suikoden 4. Le système de combat a été confié à Komuta, donc à qui on doit les Suikoden Tactics, et la direction artistique à Murakami. Alors là, c'est pas Suikoden, c'était Castlevania Arrière Sorrow. Du coup, tu dis déjà, c'est quand même une Dream Team, mais ils ont quand même en plus rajouté en composition Michiko Naruke, qui est donc le compositeur de Wild Arms. Et franchement, avec ça, tu dis, le jeu, il va tout péter, quoi. Et d'après les premiers, alors vraiment, c'est une ébauche, hein, ce qu'on voyait, hein. Tu sais, c'est en général tout qu'on peut voir en préparation pour lancer un Kickstarter, mais ça augure vraiment du meilleur. Enfin, je le trouve, quoi. C'est vraiment, il y a un petit côté Octopath Traveler, donc côté rendu 3D et profondeur de champ, hein, tu vois. Et ça reprend le système de combat des Suikoden, en fait. Et moi, je trouve ça absolument fantastique. Et ils ont atteint leur Kickstarter, évidemment. C'est très, très, très prometteur. Oui. Le truc, c'est qu'on est un petit peu dans le flou pour l'instant, parce que même eux, au moment de présenter en gros ce que le jeu va être, ils ne savaient même pas sur quelle console ça allait sortir. Oui. Disons on veut faire un jeu, mais on veut faire un jeu. Ouais, voilà, on a une Dream... Oui, vas-y, ils... vas-y. Bah, je veux dire, il y a une... Ouais, enfin, c'est pas si flou que ça, quand même. Il y a une base solide, quoi. Ils ont réuni les personnes, ils ont préparé les labos. On voit à quoi ressemblera. Oui, ils savent en direction où ils vont. Ils ont, ouais. Ils ont une jolie Dream Team, ils ont les clés en main pour faire quelque chose de bien. Ça s'est passé bien par le passé, ça s'est passé moins bien d'autres fois. On sait à suivre, on va bien voir. Après, c'est pas prévu pour sortir tout de suite, apparemment. Hein. Alors, ouais. Ils sont... Son but, hein, de toute façon. C'est une valeur de temps. Oula, alors là, par contre, Pelle, on t'entend plus trop. Ah, ouais. Je suis désolé, Pelle, mais je ne comprends plus. D'accord. Donc, le début de ta phrase était bien, et d'un seul coup, ça a fait un peu un son. Hein, on aurait dit un peu Valéry Giscard d'Estaing, puis c'est genre, je mot, puis c'est de voilà. À qui nous souhaitons un bon état d'esprit. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, voilà. Donc, non, mais moi je vous entends toujours, hein, par contre. Hein. Et donc, je disais simplement que le Kickstarter avait atteint son but, mais largement, hein, c'est deux ou trois fois la somme demandée hein, qu'ils ont atteint. Donc, voilà. D'accord. Et bien, à suivre, on aura l'occasion de revenir dessus ultérieurement, c'est sûr. Toujours en parlant de RPG, sur le coup, ça, tu vois, une transition, waouh. Je vous mets un petit article concernant un RPG très peu connu qui s'appelle Moon sur PlayStation 1. Sorti uniquement au Japon et même sans une grande confidentialité. Le jeu n'a pas beaucoup fait parler de lui toutes ces années et est un peu dans le domaine de l'oublier jusqu'à ce qu'un certain Toby Fox déclame que ce jeu fait partie de ses influences majeures pour son Undertale et que ils se disent après tout les gens ont le droit de découvrir ce jeu qui il arrive à contacter l'équipe originale qui demande ni plus ni moins qu'une traduction anglaise du jeu. L'idée a fait son chemin et la traduction anglaise est aujourd'hui disponible et de manière tout à fait officielle puisque c'est un jeu que vous pouvez acheter aujourd'hui sur la shop de la Switch pour 15€. Donc pour ce tarif-là, vous avez un jeu PS1, donc 4 tiers, tout ça, de l'émulation un peu lissée, mais vous avez surtout la traduction anglaise d'un RPG totalement unique qui base son système sur non pas les combats, mais l'amour. Le pacifisme en fait, enfin je sais pas comment dire. C'est ça, il faut faire des copains, il faut que les gens ils t'aiment et tu gagnes des petits cœurs dans le jeu. C'est beau. Bah oui, c'est beau, c'est l'amour. Voilà. Et donc, sur le coup, pour 15 balles, franchement, si ça vous dit, je pense que c'est une jolie découverte à faire, surtout en plus pour les gens qui ont beaucoup aimé Undertale. Oui, voilà, c'est ce que ouais, tu m'avais appris, c'était le jeu qui avait inspiré Undertale. Ça fait partie de ses influences, ouais. Ouais. Et moi, je suis très friand hein, des jeux PS1 assez obscurs, Ichi RPG. Moi, ça m'intéresse énormément, quoi. Ouais. Bon, la news suivante, c'est BuzzDick qui nous l'avait partagé. D'ailleurs, je n'ai pas dit le mot ce soir. BuzzDick ne peut pas être avec nous ce soir, mais on pense fort à lui et sa place est là sur le layout. Vous en faites pas. Dès qu'il sera là, il sera d'autant. Alors, BuzzDick, il n'est pas trop caméra friendly, mais il sera là pour déconner avec nous une autre fois, à n'en pas douter. Bonjour. Et donc, sur le coup, hop, il nous partage cette news concernant un meuble Neo Geo MVSX. Est-ce que tu as vu ça, Monsieur Chou, toi, le spécialiste de ces startups ? On en a encore parlé tout à l'heure dans le chat, sur mon live. Oui, parce qu'en fait, je ne sais plus qui m'a lancé plus ou moins sur le sujet. On en est venu à parler de ça. Oui. Bah, en vrai, je trouve pas le concept déconnant. Oui. En plus, c'est un produit officiel, donc bon. Ouais, t'es friand de ce genre de produit, toi, en plus. Oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis friand dès l'instant où on peut le faire soi-même, tu vois. Ouais. D'accord. Mais je peux comprendre que qu'il y ait de l'attente pour ce genre de choses auprès des gens. Quand on regarde en plus les jeux qui sont dedans, hein, t'as la collecte complète des coffres de 94 à 2003. C'est bien, ouais. T'as Metal Slug de 1 à 5 avec le X quand même, parce que bon, faut pas déconner, on n'est pas les animaux. T'as tous les Sam Show de 1 à 5 jusqu'au 5 spécial. Pareil, les Fatal Fury, t'as même Garou. Voilà. J'ai pas précisé, il y a 50 jeux. Complètement. Et t'as dit Garou, je suis censé chanter là. Non. Ouais. Non. Mark of the Wolves. T'as aussi, donc, pour terminer vite fait, Warly Rose et Art of Fighting Collection. Classic Collection, version 1, il y a quoi dedans? 3 Sengoku, Savage Ray, enfin bref. Ah, Last Blade 1 et 2, j'avais pas vu tout à l'heure. Ouais, c'est pas... La déception, Windjammers. Ouais. Super Psychics, il n'y a que le 1, sachant que c'est pas le meilleur. J'aurais, à mon avis, le 2 ou le 3 aurait grandement mérité sa place. Comment il s'appelle aussi? Tu sais, Pelle, le jeu de versus Shoot'em Up. J'oublie toujours le nom. Ah oui, Twinkle Star Sprites. Voilà. Merci. À mon avis, il aurait peut-être mérité mieux sa place que Fluid Count Bout. Un jeu de catch sympathique, mais voilà, pas foufou. Je pose une question dimension. C'est jouable vraiment à deux sur le machin? Bah écoute, je suis un peu sceptique. Parce que l'écran, que j'essaie de me souvenir, il est pas énorme non plus. 17 pouces. Oh putain, c'est vraiment petit en fait. L'écran. Mais en arcade, est-ce que c'était vraiment. C'était plutôt cette taille-là quand même en vrai? Non. Ah, non. C'était quand même plus. Hein. Ah ouais, carrément. 17 pouces en vrai, c'est pas. Enfin, faut se remettre dans le contexte. Maintenant, si on a des écrans 72 pouces là, mais. Ah oui, ouais. Ça veut plus rien. Crazy Seven demande si on peut ajouter des jeux. A priori, c'est pas prévu. A priori, non. Non. Bah après, c'est un produit officiel. Les produits officiels te disent rarement que tu peux ajouter des jeux. Ouais. À part si c'est prévu comme la. Comment s'appelait la. La première fois, ils ont essayé de ressortir une Neo Geo, la Neo X, c'est pas ça? La Neo X, ouais, c'était la X. Où t'avais un choix, bon, c'était pas foufou, mais bon. D'ailleurs, Monsieur Chou, je vois que tu as derrière toi ta borne en construction avec une espèce de boule blanche au milieu. Ah oui, la boule magique, oui. Quand vas-tu nous faire Irritating Maze en live? Très prochainement, bah là, il manque juste le vinyle du... Du moi, panel, moi, et moi, voilà. Team CD, moi. C'est imminent. À mon avis, je l'ai demain ou au pire lundi. Donc. D'accord, ok. Bon, j'ai entendu bien, hein, sache-le. Ouais. Pour le prix, quel prix vous trouvez ça Alors, pour le prix, moi je trouve ça intéressant. Après, le problème de ce genre de projet, et je le sais quand même malheureusement que trop bien, c'est intéressant dès l'instant où tu l'as tout fait de A à Z. Pour une raison toute simple, qui est si tu as un bouton qui ne marche plus, tu sais comment le changer. Là, tu ne sais pas ce qu'il y a comme bouton dedans. Il marque D'accord. classique MVS joystick et une bouton configuration. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Ouais. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans comme qualité. Ouais, tu veux du sang noir, quoi. Pas forcément. Mais ce que je veux, c'est savoir comment je vais pouvoir changer ou upgrader le truc. Ok. Là, ils le disent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vendu 499$, ma chère Maryse, avec le socle. Donc, tu peux techniquement, t'es pas obligé de l'utiliser en bar top. Tu peux aussi l'utiliser debout. Ah oui, d'accord. Ah oui, je croyais que c'était. Ah, c'est pas mal ça. D'accord, ok. Bah, apparemment, je vois base included. Donc, à mon avis, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Ce qui est un peu le cas d'ailleurs avec le. Il y a le Pac-Man derrière le Arcade Manor. C'était carrément la même idée, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement la même idée que le. Voilà, que le Arcade Manor, sauf que le socle est quand même moins gros sur les Arcade Manor. Oui. Mais voilà. Donc je trouve. Okay. Moi, je trouve pas ça dégueulasse. Ouais, c'est ça en fait. Tu as donc le bar top 449$. Juste, et si tu veux. Le socle à part, le socle tu le payes 99 boules. Donc on te fait un rabais de 50 balles si tu prends le complet. D'accord, ouais. Effectivement. Après, comme le dit Hybridator, faut voir la qualité de l'émulation. Après, la Neo Geo est émulée plus ou moins correctement depuis près de 20 ans. Ouais, tant que tu mets un truc assez costaud, ça, il n'y a pas trop de soucis. Bah, avec mon Celeron 433 MHz, mon premier PC, j'ai émulé de la Neo. Donc bon. Bon, à part quelques jeux un peu gourmands, mais Neo Regix. Oui. Ah oui. Donc voilà. Donc la Neo X, okay. Voilà. Donc le MVSX, ouais, ça peut être. Voilà. Petit potentiel. Okay. Bon, news suivante, à ce coup, on a quatre news imbriquées qui vont marcher deux par deux. Alors, je vais commencer par parler de ça. Je vais parler de quelques des gens que j'aime pas et vous allez voir à un moment où il y aura un plot twist. Donc, je vous mets le lien sur le chat du tweet. Limited Run est assorti. Donc là, les précommandes sont ouvertes en ce moment. Ils vont sortir une réédition du jeu Shantae sur Game Boy Color. Alors, vous savez à quel point j'aime pas Limited Run et le principe même des éditions limitées physiques et là ce qu'ils font, la façon dont ils les font payer, les frais de port, les délais, le qui se fait qu'ils soient jamais à l'heure, tout ça, blabla. Mm-hmm. Mais il se trouve que de notre côté, Shantae sur Game Boy Color, j'ai un peu browsé eBay ces derniers jours, j'ai trouvé deux exemplaires complets en boîte et notice 100% authentiques, ils sont chacun vendus 3 000 € pièce. Ouais. C'est ce que j'allais dire. J'en ai trouvé un voilà. En loose. J'en ai trouvé un en loose à 1000 balles, moi. Donc c'est déjà un jeu qui est extrêmement contrefait. Il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent. Et là, ouais. on a un produit qui sait, bon, même avec tout limited, j'ai beau pas les aimer, on sait qu'ils font de la qualité. Et ça vous revient juste si vous le prenez. Et ça fait, une fois converti dollars vers euros, vers francs, j'allais dire. Vers euros, ça vous revient 50 € frais de port inclus. Voilà. Il y aura c'est peut-être donné, de la douane hein, au passage. C'est pas extrêmement cher. Pardon ? Non, il y aura peut-être de la douane au passage, mais. C'est raisonnable. Enfin, raisonnable par rapport au prix. Quoi. Ouais, après, il y a des éditions limitées. Il y avait une édition limitée, je ne crois même pas qu'elle soit encore disponible. Mais c'est juste pour dire que là, le run, la vente est vraiment en cours sur Shantae. Si vous collectionnez la Game Boy, enfin toutes les personnes qui collectionnent du Game Boy, de toute façon savent que ce jeu est inaccessible aujourd'hui clairement et donc sur le coup ça peut avoir du sens. Moi personnellement j'en ai commandé un exemplaire parce que ça fait partie de ces jeux que j'aimerais beaucoup avoir et que je sais que voilà oui. Un original c'est même pas en rêve. Et donc vas-y. Non je veux dire ce qui est amusant ouais, le quand tu m'avais annoncé ça en fait c'est que je pensais pas que Shantae pouvait remonter à si vieux que ça en fait. Tu vois, je pensais que c'était beaucoup plus récent en fait, parce que Game Boy Color, ça date quand même. Mm-hmm. Le jeu, justement, n'a pas été tiré à beaucoup d'exemplaires sur Game Boy Color. Il n'était pas très populaire à l'époque. Et ouais, c'est ouais. Vraiment, je crois, avec. Alors, c'est même pas avec Pirate's Curse, mais celui encore après. C'était lequel du coup? Je sais plus. Risky's Revenge. Ouais, Risky's Revenge ouais. C'est vraiment sur celui-là, je crois, où la série s'est fait connaître. Donc forcément, le premier est passé à des oubliettes, quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc, sur le coup, ça mène à la news suivante. Et là, je vous partage l'autre tweet. En partenariat avec Retrobit, dont on a déjà beaucoup parlé. Alors, c'est Retrobit qui va sortir ça. Il y en aura chez Limited Run, il y en aura chez Castlevania, il y en aura chez Retrobit, comme d'habitude. Ils ont décidé de rééditer les jeux Mega Drive. On le savait depuis un bon moment. On n'avait pas de nouvelles. Et là, ça y est, ils sont là. Ils ont choisi de rééditer 4 shoot'em up de Toa Plan sur Mega Drive, qui oui. sont donc Fire Shark, Truxton, Hellfire Truxton, ouais. et Zero Wing. Alors, le truc, c'est que l'idée, c'est qu'ils les vendent. Il y a des cartouches de couleurs douteuses, transparentes, mais ça, c'est un détail. L'effet de les vendre ensemble, ils font un pack où, en gros, vous en aurez pour, je pense, avec les frais de port, on va taper entre 150 et 200 € frais de port compris. Il y a un coffret vendu avec, où si vous mettez les 4 jeux sur la tranche, ça forme le sigle Toa Plan. Le truc, lorsque on redite des jeux, c'est toujours de se demander, comme on a dit, si oui ou non ça a du sens de sortir des rééditions et est-ce qu'elles vont coûter plus cher que les jeux originaux. Alors, pour Fire Shark et Hellfire, j'ai envie de dire, ça a moyen du sens, c'est pas des jeux très populaires, ni très très onéreux aujourd'hui, malgré les qualités d'Hellfire, détends-toi. Mais c'est exactement ça, je veux dire, parce que c'est un petit bijou, hein, franchement. Mais bon, j'ai déjà fait un. Par contre, Truxton, lui, est un jeu qui a eu tendance à pas mal monter ces dernières années. Et notamment pour le trouver aujourd'hui à moins de 50 € complet, ça devient compliqué. Oui. Donc, à la rigueur, pourquoi pas. Et enfin, le dernier, Zero Wing. Alors, Zero Wing, il a une particularité que nous, on ne sait pas forcément, c'est qu'il n'est jamais sorti en Amérique du Nord. Ah, ils n'ont pas eu le droit à la super traduction dans leur langue de Shakespeare. All your bases are belong to us n'est jamais sorti en Amérique du Nord. Oh. Même moi, je pensais que c'était le cas. Bah et oui, en fait, lorsque j'ai vu ça sur un autre Discord, ils ont dit oh, « Enfin, on a Zero Wing ». J'ai dit « Ah bon, mais pourquoi ils disent ça ?» Ah mais oui, parce qu'ils ne l'ont jamais eu. Ah, ah ouais, bah il faut qu'ils découvrent, parce que c'est quand même magistral. C'est pas des mauvais jeux, quand même, franchement. Et donc, sur le coup, là, les précos sont également ouvertes. En ce moment, elles sont ouvertes il y a 2 jours. Et normalement, c'est des précos. C'est comme Chantaé, c'est limité dans le temps. Donc, vous avez juste, en gros, un mois, non, un peu moins, 2 semaines, 3 semaines pour vous décider. Mais c'est pas limité en nombre. Pendant ce temps-là, toutes les précos sont prises et toutes les précos seront honorées in fine. Voilà. OK. Et je dois dire, si vous ne deviez en prendre qu'un, prenez Hellfire. Voilà. Parce que Truxton, je connais, il n'est pas fou sur Mega Drive. Il n'est pas fou, mais c'est pareil. Zero Wing aussi a eu tendance à monter au niveau de la cote, mais juste à cause de All Your Base, hein, pas pour ses qualités spécialement ludiques. Truxton a toujours été cher. Lui, par contre, je l'ai toujours vu bien plus cher que les autres. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je l'ai vu en dans un an. Alors, Retrobeat sont. Ouais, bah c'est un petit peu comme Limited Run. Généralement, ils annoncent des dates et ils ont toujours tendance à annoncer en cours de route que c'est un petit peu plus tard. Je me souviens, c'était pour Metal Storm sur NES. Ça avait été un petit peu repoussé. Voilà. En gros, c'est des trucs. Vous aurez ça si vous avez du bol pour Noël, sinon en début d'année prochaine. Ok. Ouais. Et on va passer rapidement aux 2 dernières news qui sont donc, on va parler de petits remakes qui arrivent. Alors, on va parler de remakes de jeux rétro qu'on aime bien, hein, Pell. Ah, bah beaucoup, hein. Et avec, on va dire, un petit coup de froid et un petit coup de chaud. Donc, on va d'abord parler du remake en cours de production de Monster World 4. Ouais. Dernier Wonderboy officiel, hein, vraiment. Voilà. Voilà. Donc, qui avait été annoncé il y a un peu plus d'un an déjà, ils avaient annoncé qu'il y avait un remake d'un des Wonder Boys, sans préciser lequel, qui était en cours de production, sans dire non plus de qui s'en occupait. Entre-temps, ils sont un petit peu sortis du bois en disant « Regardez, il y a l'équipe originale, tout ça, blabla. Oui. » Et puis, ils ont présenté un trailer et ils ont un peu jeté un froid, surtout parmi les vieux fans du jeu, on va dire. Quel est l'intérêt de faire un remake d'un jeu qui est déjà encore graphiquement superbe? Mais je pèse mes mots, hein. Le jeu sur Mega Drive du Monster World 4 est encore superbe. Moi, tu te moques. Je fais le con, désolé, je fais le con. En fait, vu que je suis pas en train de jouer, je me permets de bricoler mon layout en live et je me fais rire tout seul, désolé. Ouais, par contre, si le chat il dit des conneries, là je peux le décalquer en direct. Hein. Attention. Ah bah ouais. J'ai un œil sur vous, là je vous ai à l'œil. Mais donc, le problème, ce qu'on a vu, le gros souci qu'on a en vrai, c'est que on a juste. Enfin, moi j'ai la même sensation que quand j'avais vu le remake de Secret of Mana. C'est-à-dire que c'est vraiment pauvre d'un point de vue graphique et le jeu n'avait pas besoin de ça. C'est-à-dire que quand le moment dans le trailer où on voit le jeu original à gauche et le remake à droite, là on se dit mais non les gars, là vous vous plombez vous-même. Il faut pas faire ça. Mais c'est terrifiant parce que tu dis ça peut être du pixel, c'est vraiment plus joli en fait sur Mega Drive. Mais vraiment plus joli. Ça donne une impression de jeu plus condensé, plus vivant, avec des personnages plus rapprochés les uns des autres. Il y a une espèce d'impression de vide dans le remake, hein, dans l'extrait qu'on avait vu. Moi, ouais. Ça m'avait beaucoup gêné. Et alors que là, dans le jeu d'origine, tout l'univers est génial. D'ailleurs, c'est ce qui avait inspiré Shantae, hein, quand même. Hein, on peut le dire aussi, d'ailleurs, pour revenir à la news précédente. Ouais. Monster World 4, c'est ce qui avait inspiré Shantae. Ouais. Et je trouve qu'il n'y avait rien à y toucher, en fait. Il y a des jeux Mega Drive et Super NES. En fait, les remakes ne servent à rien, quoi. Mais vraiment, quoi. Le souci, le jeu original souffre de quelques petits détails, comme par exemple des palais qui sont franchement longs et difficiles et tordus par moments. Une musique un petit peu moins intéressante que les autres Wonder Boy. Oui, la musique était moins inspirée. Le truc, c'est que on dirait qu'ils sont partis dans la même optique que Dragon's Trap, c'est-à-dire refaire le jeu 1-1, vu qu'on va pouvoir passer en temps réel du rétro au moderne, sauf que là, ils ont opté pour un rendu graphique pauvre, on va dire, en 3D. Et bon, autant dire que pour l'instant, moi, on n'est pas convaincus, hein, nous. Enfin... C'est pas vivant. Après, tu l'avais mentionné, Bianca, quand on avait parlé la première fois, c'est que le remake, enfin pas le remake, la suite, tu sais, du Monster Boy. Oui. Oui, c'est ça. C'était Monster Boy and the Cursed Kingdom. Revient de loin quand même lui aussi, hein, par rapport aux premiers extraits. Hein. Tu vois. Lorsque Monster Boy and the Cursed Kingdom a montré ses premiers extraits. Évidemment, on a eu l'impression de voir un jeu Flash et c'était pas fantastique. Ils ont énormément travaillé. Ils ont dit on prend le temps, tant pis, on va retravailler le jeu. Et pour au final sortir le jeu qu'on connaît, c'est-à-dire, pour vous donner une idée, John Lindemann de Digital Foundry a déclaré que c'était pour lui le jeu de la génération. Ouais, voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pour dire le chemin parcouru. Quoi. Voilà. Voilà. Après, ils ont été quand même en plus, ils ont enrichi l'équipe de personnalités vraiment, fastidieuses. Hein. Tu sais, il y a tout ça. Tout ça pour dire voilà, que sur le coup, on est très mitigé. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bien. Ça veut dire que pour l'instant, on est tiède, mais on attend des nouvelles et on verra bien quand ça va sortir. Et puis Oui, vas-y. Je veux dire, on est en droit d'être exigeant face au jeu d'origine quand même. Aussi. On est en droit d'être exigeant, mon cher. Mais on va parler. C'est dommage qu'il n'ait pas la webcam là parce qu'il prenait sa tasse de thé là et il l'a levé là. Nous avons le droit d'être exigeant quand même sur le jeu d'origine. Après, il frisait sa moustache. Et donc, on va passer à l'autre news. Comme ça, tu vas pouvoir dire du bien. Je vous mets la vidéo sur la vidéo YouTube. Donc, d'un autre projet qui est arrivé. Après avoir rehaussé entre guillemets le très bon White Guns, après s'être occupé du Ninja Warriors Again qui moi j'aime beaucoup et l'avoir aussi bien boosté en faisant une version plus moderne, la même équipe revient avec Poki et Rocky. Kiki Kai Kai. Kiki Kai Kai, ouais, alors franchement. Moi ça me fait vraiment plaisir quoi. Je veux dire, voilà. On n'aurait pas dit. T'es sûr ? Non, mais je veux dire, c'est un jeu absolument génial. Mais je vais en parler plus tard, hein, du jeu d'origine. Mais je trouve que ce qu'on en voit déjà dans les premières adaptations, les premières réécritures, c'est vraiment très prometteur. Voilà. Le truc, moi, ce que j'ai vu le trailer, j'ai dit appel, mais c'est la même chose. Et en fait, il m'a engueulé, il m'a dit oh, non, t'as vu, il y a plein de petites choses. Alors, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils sont arrivés à améliorer le jeu original tout en donnant l'impression qu'on regarde encore le jeu original qui était déjà très joli à l'époque. Et c'est pas la marque du respect absolu, ça, franchement. Et donc là, c'est pas la peine de le dire, on est vachement plus enthousiaste. Ça fait partie aussi de ces jeux que j'ai pas connus à l'époque et qui coûtent aussi une blinde maintenant, hein, on va pas se mentir. Oui, alors le premier est encore presque accessible, Poki et Rocky 2 aujourd'hui commence à atteindre la stratosphère, bien sûr. A priori, là, on parle du remake, enfin, du premier. Le premier, ouais. Le premier sur Super NES, hein, parce que le premier épisode est sur arcade. Oui, c'est vrai que le tout premier épisode est sur arcade. Ouais. Voilà. Et donc, sur le coup, on en a fini avec ces news et on va pouvoir passer au gros morceau parce que là, il est déjà 50. Voilà, on a commencé en retard à notre décharge. Hein, donc c'est pas... Voilà, oui. Voilà. Enfin, à notre décharge. C'est pas de notre faute si on est à 50 quand on a fini les news, c'est parce qu'on était en retard. Hein. Bon. Je sais pas si l'excuse est bonne, mais. Tout va bien, on est serein, on a le temps, la vie est belle, on a notre Reza PS5, tout va bien. Donc... Sauf Pell. Et moi. Parce que je compte pas donner du pognon. Non, mais moi je donne pas de pognon. Hein. Mais du coup, alors juste parce que. Techniquement, du pognon, j'en ai pas, mais le peu que j'ai, je le garde. Désolé. Eh ben, t'as bien raison. Non, juste, je me rends compte, on touche un mot vite fait de la trilogie Mario, c'est un petit peu du rétro quand même, non ? Ou pas du tout ? On s'en fout. Allez, vas-y, je sais pas si on peut en parler, parce que bon, moi, je l'ai pas encore entre les mains. Moi, je l'ai. Pour l'instant, je fais qu'entendre des choses. D'accord, toi, tu l'as. Oui. Mais si vous voulez qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas parce que c'est pas un problème. Oh, hein. Bah, tu fais plaisir. Hein. Deux secondes, ouais, pas vas-y. Ben, est-ce qu'on n'est pas tous d'accord que sur le principe c'est une escroquerie? Ah mais totalement. Ça couleur. Sur le principe. Non mais non, je veux dire, c'est Mario, c'est Nintendo, je l'achète, j'assume, je c'est pas le problème. Mais sur le principe. Ah déjà il manque un jeu. Il manque un jeu. Bon. Ouais. Allez, admettons. Le tarif 60 balles pour des remasters, alors qu'en face on a quand même eu la Crash Trilogy, la Spyro Trilogy qui ont été, certes c'est les mêmes jeux, mais au moins les assets graphiques ont été retravaillés et tout. Ouais. Et ils étaient vendus 40 balles. Bon, tu te dis déjà, c'est un peu moyen. Mais apparemment, et j'ai tendance à le confirmer, ce serait vraiment des ROM sur émulateur qui tournent. Alors, c'est des ROM sur émulateur. Alors, mais... là où on en est aujourd'hui, à la veille de la sortie du jeu, c'est que déjà, on peut dire, moi je peux dire plusieurs choses. Déjà, il faut que vous mettiez vos Switch à jour. Oui. Puisqu'apparemment, il y a un souci, un bug avec la Switch qui fait que si vous mettez pas. Alors, on a vu beaucoup cette semaine de vidéos de Mario Sunshine qui ramait du cul comme pas possible. Il se trouve que il suffit de mettre votre Switch à jour et le problème sera résolu. Déjà, c'est pour ça que le Nintendo a snipé une petite mise à jour là mercredi en mode choup, hop là, faites-la. Ouais. Ensuite, il faut mettre à jour le jeu, puisque le jeu de base de la console contient un glitch apparemment avec Mario 64 qui empêche de relancer sa partie dans certains cas. Il y a un patch Day One, je veux dire, sur la compile. Je veux dire, le Mario Galaxy, il est sorti il y a 13 ans. Et ils ont trouvé un moyen de faire un patch Day One sur... Enfin bref. Et ce qui est rigolo en plus de tout ça, c'est que les gens là, qui ont mis à jour leur console, qui ont patché le jeu et qui sont en train de jouer, ils viennent de déjà nous sortir un bug d'émulation pour Mario Sunshine. Voilà. Qui était un bug connu sur Dolphin à l'origine, qui a été patché sur Dolphin, mais enfin, bon, bref, voilà. Mais à part ça, par contre, oui, c'est Mario 64. Effectivement, l'upscale est plutôt joli, c'est plutôt agréable à regarder. Moi, j'ai connu le jeu quand j'étais gamin, donc la maniabilité, je m'y fais. Les nouveaux et nouvelles venues, je sais pas comment ça se passera. Mais il y a un truc tout con, tu vois, je me suis dit, mais. C'est tellement dommage, par exemple, la gestion de la caméra sur Mario 64, elle est sur le stick droite, mais pas en mode caméra moderne. En mode, une pression sur le stick droit, c'est une bouton sur le bouton C droite. Et tu te dis, d'accord. C'est tout con, mais ils auraient pu juste modifier ça. Enfin, c'est dommage, c'est dommage. Mais oui, on est loin de l'identité habituelle, quand même. C'est vrai que ça fait un peu... Et au-delà de ça aussi, ce que certains ont regretté, c'est le manque de plus-value, tout simplement, de la collection. Il n'y a pas de, il n'y a même pas les manuels originaux dedans, il n'y a pas de documents, il n'y a rien, il y a juste les OST, voilà, point barre. Mais attends, il n'y a personne qui est capable de scanner un manuel chez Nintendo ? D'habitude, ils le font, ce genre de truc. Bah, le manuel de Nintendo de Mario 64, si, par exemple, il est disponible encore sur le site de Nintendo FR. Oui. Hein, c'est le manuel de la console virtuelle, en fait, mais... C'est amusant cette histoire en fait, c'est que tu te rends compte qu'en fait à chaque fois que c'est un anniversaire de Mario, des Super Mario en l'occurrence, c'est disons un peu bâclé les choses hein, parce que le Beyond, on en avait parlé récemment, mais lors du Super Mario All-Star qui était sorti sur Wii, les gens étaient furieux, hein, mais furieux. C'est... Bah, moi le truc il était injouable pour ma part, hein, je sais pas pour les gens, mais il y avait une boucle à gabale et tout, enfin c'était fou quoi. Oui, ça croit qu'ils se rendent compte. Ils ont refoutu la version Super NES sans même la version avec Mario World en plus. Hein. Oui, c'est vraiment le truc naze. Et tel quel sur un CD. Et basta. Voilà. Oh, et en plus de ça, je veux dire, la seule entre guillemets valeur ajoutée que tu avais dans le machin, c'était l'OST. C'était, ouais. L'OST que tout le monde s'en moquait. Voilà. Presque la même avec. Aléa me disait quand j'ai lancé la collection. En fait, on lance la collection et on arrive sur le menu. Une petite musique de. Là, c'était Mario Galaxy, mais je pense que ça change à chaque fois. Et en dessous, t'as un carrousel avec les jeux. Et c'est tout. Et elle me disait, mais sur Super Mario All Stars, tu lançais le truc, t'avais les petits personnages qui murmuraient, tu sais, dans la salle, t'avais un rideau de théâtre qui s'ouvrait, un truc, il y avait de la vie dans le truc. Même la présentation était plus réussie sur All Stars, voilà, bon. Bref, je pense que faut pas trop épiloguer non plus là-dessus. On a beaucoup à dire sur les RPG de Mario, mais voilà, petite pour ma part, petite déception. Même si je les referai avec plaisir sur la console, et ouais. Parce que je suis un bah voilà, j'habite hein, au château de Mario là, j'ai déménagé donc. D'accord. En tout cas, voilà, ça sort demain officiellement. Normalement, on peut le trouver à 50 balles chez Leclerc. Je crois même qu'il est à 45 sur 40, le champ. 45 sur les premières semaines, ouais, en grande surface, je pense. Ouais. Je check vite fait. Où est-ce que Leclerc, j'ai vu 50, mais ça m'étonne parce qu'au champ, on est passé à 45. Non, on est bien à 50 chez Leclerc. Donc, d'accord. Mais il sera plus trouvable après 31 alors, mars. Il sera plus trouvable oui, au-delà alors, du 31 mars. Après, les stocks n'ont pas l'air dingo, mais les stocks ne sont pas ridicules non plus. Ouais, ouais. Okay. Il y a ce move-là qui est un peu bizarre, mais bon, on en reparlera peut-être une autre fois. Alors après. Ou maintenant. Vas-y, ouais, chou. Moi, il y a un truc qui me dérange de fou. Depuis quand Nintendo dit sur un de ses produits, faites gaffe, à partir d'un certain moment, vous ne pourrez plus en acheter. Mais bah, c'est déjà arrivé. Oui, quand figure-toi. Avec Super Mario Luigi. Hein. You. Sérieux? Ah bah oui. Et c'était écrit sur la boîte derrière en disant que quantité limitée, le jeu ne sera jamais réimprimé. Super Luigi U, effectivement, a été une édition limitée. Le truc, c'est qu'en fait, finalement, ils l'ont ressorti après en version classique, en pack avec Mario. Donc, avec Mario d'origine. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, ce ne sera pas la fin de cette collection arrivée au mois de mars, qui peut après se passer d'autres choses derrière. Oui, notamment de la console virtuelle. On verra d'ici là. En attendant, voilà. Si ça vous plaît, si c'est toujours pareil, nous. Enfin, en plus c'est con parce que nous, on a les originaux et on va acheter la compile. Donc nous, on est les abrutis. Bah nous, on est ce pourquoi Nintendo fait ce genre de conneries. Hein. C'est notre faute. Hein. Voilà. Peut-être pas, mais nous, c'est nous trois en fait les fautifs. Hein. Ah, ouais, excusez-nous. Honnêtement, pourquoi je vais pas le prendre ce truc? Trois trucs. Un, il manque un jeu. Ouais. Deux, ben, c'est encore une fois fait n'importe comment. Ouais. Et au bout d'un moment, ben, c'est racheter des jeux que j'ai déjà, dont un, non, que je déteste, dont un que je ne supporte pas. Ah non, là, t'as tort là. Ah bah non, Sunshine est bien. On est des fans de Sunshine. Sunshine n'est pas un mauvais jeu, la caméra me rend fou. Voilà, j'ai jamais réussi à apprécier Sunshine à cause de ça. Ouais. Mais ouais. Mais c'est un autre débat, les goûts et les couleurs, ça va. Mais moi, je préchote pour la conclusion, ils arrêtent le 31 mars parce que le 1er avril, ils sortent une autre compile, mais avec cette fois la même, mais Super Mario Galaxy 2. Voilà. Et voilà. Et ça fera une grosse blague, tout le monde sera mort de rire. Non, mais vous l'êtes pas, vous y êtes pas. Ils vont ressortir les jeux éducatifs, tu sais, Mario et Mais ça, à la limite, moi je dis oui, pourquoi pas, parce que. T'es sérieux, t'y as déjà joué? Bah non, justement, en fait. Ah, à mon avis, si t'y avais joué, tu dirais pas ça. Je te promets que c'est pas bien. Compliqué. Ah, c'est clair. Bon, sur le coup, mais on va rester dans le Mario. Hein. Bah oui, c'est son anniversaire après tout. Et oui, alors c'est l'anniversaire de. Alors, c'est pas l'anniversaire de Mario, c'est l'anniversaire du Super Mario Super Bros. Mario. Voilà. Oui. Parce que voilà. Mais bon, peu importe. On va parler donc ce soir, on avait envie. Alors, sur le coup, ça tombe bien parce que. Ben, le nouveau Paper Mario est sorti il n'y a pas si longtemps, hein, pour l'anniversaire, il y a 2 mois. Et donc, sur le coup, on s'est dit qu'on allait vous parler de la saga Super Mario RPG. Voilà. Saga commencée. Aïe. Ça va pas? L'agression. Saga commencée en 1996 avec... Mario RPG. Moi, j'ai pas les boîtes, mais j'en ai deux. Hop là. Super Mario RPG. Moi, j'ai la version, japonaise. Ah, mon Seven Stars. Ouf, je suis américain. Avec, hop, tiens, pour qu'il soit complet spécial collectionneur, il faut Manuel. Il faut What? Le petit truc qui vous promettait d'avoir un guide gratuit. Le machin contre l'épilepsie. Et le poster promotionnel. Voilà, très important. Poster. Et poster promotionnel d'ailleurs qui. Allez-y, donc sur le coup, premier épisode Saga Mario RPG, donc c'est pas compliqué, à l'époque c'était pas extrêmement courant, mais Nintendo va confier à Squaresoft oui, sa licence phare Mario Parce que, alors, à l'époque, Mario, enfin, à l'époque Nintendo et Square, c'est le grand amour. Ils ne savent pas que peu de temps après, mais, Square alors, va leur faire à l'envers. Mais tu sais que c'est en partie à cause de Mario RPG hein, que Square va leur faire un envers. Parce que c'est plein de trucs en commun. Mais en fait, Nintendo ouais. ont été apparemment tellement désagréables avec Square pendant le développement de Mario RPG que ouais, Square, ils ont même pas trop cherché à faire d'efforts derrière pour FF7. Quoi. Ils ont fait. ils nous cassent les couilles, c'est bon, salut. Parce qu'il y avait des prémices hein, de développement du prochain FF sur Nintendo 64. Ouais. Mais comme le support cartouche révulsait complètement Squaresoft à l'époque, et ben ils ont préféré se tourner vers Sony définitivement. C'est un concours de. Voilà, c'est plein d'enchaînements, mais Nintendo ont été assez désagréables avec eux aussi, et ça les a pas aidés à faire des efforts, quoi. Bah, comme d'hab, le truc, c'est que évidemment Nintendo a confié Mario, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même au poste de producteur Shigeru Miyamoto. Évidemment, oui. Comme ce qui s'est passé bah, après, plus tard, avec du Metroid notamment, il ne faut pas rêver. Nintendo, ils sont là et ils donnent les directions à prendre. Hein, oui, c'est... Oui. Et pourtant, bah, pourtant voilà, on a une belle Team Square qui va faire des merveilles sur Super Nintendo. À l'époque, Squaresoft, c'était les rois du RPG, et c'était presque eux qui pouvaient décider de vie ou de mort d'une console, hein, en réalité. Hein. Celui qui s'attribuait les jeux Squaresoft était le leader. Hein. C'était clair et net, hein. C'était comme ça à l'époque. Hein. Alors, au Japon, donc, peut-être, au chez Japon. Nous. Bah, au Japon, oui, évidemment. Déjà, il y avait Enix aussi. Hein. Ah, mais je te promets que Square... Ah oui, il y avait Enix. Dragon Quest, hein, Enix, quand même, faut pas... T'as raison. Mais ouais, Squaresoft c'est un gros poids sur la balance quand même. Surtout bah, en Occident, parce que les jeux Enix on en a pas eu trop. On en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Les jeux Square, ils commençaient, Secret of Mana, on commençait à entendre ce nom quand même. Et donc, oui, le jeu, déjà surprend d'un point de vue graphique, parce que c'est vraiment très joli. C'est un jeu qui est entièrement en 3D isométrique. Oui. Dans sa représentation, qui fait des personnages qui sont un petit peu comme si c'était un peu de la pâte à modeler, c'est ça ? Ouais, ça donnait. En fait, on a l'impression que les personnages étaient déjà modélisés en 3D et refaits en fait en 2D, un peu comme ce qu'ils avaient fait pour Donkey Kong en réalité. Il y a un faux air, de cette technologie-là un peu. Hein. Ouais, complètement. Hein. Des personnages modélisés en 3D, on imagine sur une silicone graphique ou autre, puis après retransposés en 2D, comme ce qu'ils avaient fait pour Donkey Kong. Ouais. À la composition musicale, on retrouve notre copine ici, Yoko Shimomura. Coucou Rosdy, entre parenthèses. Ah bah, voilà. Elle était là depuis le 1. Et donc, le petit truc de Super Mario RPG, c'est d'en avoir fait à la fois un RPG. Et à la fois d'avoir intégré des éléments d'action pour rendre le jeu moins posé, on va dire. Donc la base du RPG tour par tour, c'est vraiment de donner son ordre et d'attendre que le personnage exécute. Dans Super Mario RPG, ce que va faire Square, c'est Nintendo, ce qu'ils vont faire ensemble, c'est introduire le fait d'appuyer sur un bouton au bon moment, soit pour accentuer une attaque, soit pour atténuer une attaque d'un ennemi en faisant une défense plus ou moins parfaite. Ouais, et ça donnait une interaction dans le gameplay et qui donnait vraiment place aux joueurs au gameplay et absolument génial. Et ça a développé tout un système de jeu après. Hein. Sur le coup, ça donnait beaucoup de dynamisme au jeu et même si dans le premier, il n'est pas évident de savoir quand appuyer au bon moment sur le bouton, ni c'est pas forcément visuellement très criant quand c'est le cas, l'avantage c'est que ne pas appuyer sur le bouton au bon moment n'est pas non plus trop... C'est pas trop pénalisant. Ouais. Trop pénalisant, effectivement. Mmh. Et gardez ça en tête, parce que ça va changer. Il y a un moment, vous allez voir. ça va changer. Voilà. Et donc, le jeu est plutôt sympa. Il n'est pas ultra facile. Il n'est pas non plus ultra difficile. Il est, je pense, au niveau difficulté, je l'ai toujours trouvé assez juste. Il varie ses phases avec donc des phases de plateforme, des phases un petit peu différentes pour justement essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de très dynamique tout le temps au niveau de son histoire. Oui. Le truc, c'est qu'évidemment, c'est un jeu... Ben... Oui, vas-y. Non, tu parles de l'histoire, mais un truc complètement loufoque, quoi. Enfin... Ça va être la Bah oui, constante aussi c'est pas. dans les MMORPG, c'est n'importe quoi. C'est clair. C'est génial, mais c'est vraiment l'absurde à son paroxysme, quoi. Ouais, voilà, et c'est pas Boozer l'ennemi, quoi, de Mario. Pas là, non. Ah oui, la particularité, oui, Bowser est un C'est vrai, personnage hein? jouable. Et Mais ouais. quand même, Et quoi. Mario, ah oui, l'autre petit détail, oui, de la jouabilité, c'est d'avoir toujours un sidekick avec Mario. Un petit personnage qui a d'avoir des capacités différentes suivant les personnages qui vous accompagnent tout du long. Ouais. Le jeu est absolument génial. Une petite anecdote à propos de ce titre. Lorsqu'il avait été testé en preview dans le Player One à l'époque, je me souviens très bien que la Nintendo 64 n'était pas encore sortie. Et à la fin du test, il avait précisé, alors je ne sais plus qui était le testeur, il faudrait que je relise, il avait précisé que probablement une prémisse de ce que pourra nous donner Mario en 3D. Eh D'accord. ben, ils se sont plantés en fait. Mais c'est ça, c'est qu'on pouvait pas imaginer la 3D à l'époque, quoi, tu sais, c'était étrange. C'est ça qui m'amusait en relisant le test. Oui. Après, bon, Effectivement. avec le recul, mais en toute sincérité, j'ai jamais touché au jeu à l'époque. Hein. Moi non plus. Oui. Bah, il est jamais sorti chez nous déjà, premier point. Et ensuite, moi je l'ai connu qu'en émulation dans le début des années 2000, quoi. À l'époque, celui-là non plus, hein. Je l'ai connu beaucoup plus tard, mais les tests, je les avais lus, c'est un jeu qui me faisait extrêmement envie, mais je l'ai connu vraiment très tard, quoi. Ouais. Au niveau accessibilité, on va en parler après. Oui, juste une petite anecdote par rapport au jeu. Donc, lorsque je l'ai acheté, c'est parti du jeu auquel je voulais jouer. À l'époque, quand j'ai acheté le jeu, tout le monde doit connaître, enfin, connaît ici l'illustre FF6 Man qui switchless les Super Nintendo. Ouais. Si on dit switchless aujourd'hui, c'est parce qu'à une époque, il y avait des Switch. Et la première méthode pour dézoner les Super Nintendo qu'il a importé des Anglo-Saxons, c'est une méthode dite du double switch, où vous mettiez deux interrupteurs à l'arrière de la console, un qui vous permettait de changer la région et l'autre qui vous permettait de changer la fréquence. Et le problème, c'est qu'avec cette méthode du double switch, un des très rares jeux qui ne fonctionnait pas, c'était Super Mario RPG. Ouais. Et en mode, mais jamais personne a compris ce qui se passait. Des fois, le jeu, il y a certaines cartouches qui frisaient, qui loquaient, qui voulaient jamais se lancer. Il y en a qui effaçaient la sauvegarde aléatoirement à certains moments du jeu. Bref, on ne pouvait pas jouer à Mario RPG avec une Super Nintendo double switchée. Donc, sur le coup, ben à l'époque, j'avais réussi à trouver parce que c'était pas les tarifs d'aujourd'hui, une Super NES américaine pour pouvoir jouer à Mario RPG américain dans des conditions normales. D'accord, ok. Et d'ailleurs, la D29, ben la D29, tout ça, tu peux oublier, la Super Marche Mario pas. RPG fait Non, partie non, de ces jeux qui rendent fous les adaptateurs. Je confirme. Voilà. Je rajoute une toute petite phrase, vraiment Oui. brièvement, c'est que pour préciser, donc j'ai retrouvé l'article en question, c'est Magic Sam qui avait fait le test en preview Oui. et qui avait précisé, il préfigure grâce à son univers en 3D ce que pourrait être le Mario Super Mario 64 sur la Switch Nintendo 64. Il avait tout compris. Et donc, rapidement pour parler de donc parler par les collections, parce que c'est quand même le guide du collectionneur. C'est un peu le sujet. Voilà. C'est un jeu aujourd'hui que vous pouvez trouver facilement si vous tenez à rester dans la légalité, tout simplement sur la Super Nintendo Mini. Oui, c'est Vous vrai. voyez, Ouais. il est J'avais bien oublié qu'il émulé, était ça dedans. Ouais, fonctionne. c'est. Par contre, si vous voulez, alors autant la version japonaise vous coûtera comme d'habitude 3 francs 6 sous. Genre la version japonaise pour 20-25 euros complet sans aucun problème. Ça, je l'ai eu à 4 euros. Ah. Je l'ai eu à Voilà. 5, alors, je l'ai eu à 5 euros, frais de port inclus, venant du Japon. Voilà. En Compris les fait, boîtes, hein. c'est un peu les Japonais disent, bon, on a du stock, tiens, vas-y, prends-le nous, tu vas nous rendre service, quoi. Et ouais, il était tellement peu cher que je l'ai pris parce que comme ça, j'ai mis ma. En fait, là-dedans, c'est ma version US que je peux mettre sur ma SNES Junior japonaise sans, bah, sans limer le port cartouche, quoi. Donc, voilà. Je me suis dit, bah, c'est tellement pas cher, je vais le prendre, quoi. Bon, le truc, c'est que vu qu'il est sur la Super Nintendo Mini, il y a des chances qu'un jour Nintendo arrive en mode, hey, regardez, on vous le met sur la Switch avec les autres, hein, parce qu'ils C'est ont possible, fait ouais. ça. Voilà. Et après, l'autre façon de l'acheter et d'y jouer, donc forcément dans une langue compréhensible par nous occidentaux, c'est d'acheter la version US, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors malheureusement, celui-là, aujourd'hui, en loose, c'est 100 €. Et en boîte, dans cet état-là, complet, on est entre 250 et 300 €. Comptez. Et là, ça rigole beaucoup moins. Mais bon, mais en même temps, les premiers Paper Mario, vous allez voir, sont aujourd'hui assez onéreux. Pour voilà. Le moins. Les pépères, Mario. Les pépères. Bon, sur le coup, question, est-ce qu'on fait dans l'ordre ou est-ce qu'on... On part, c'est ça que je vais dire. On part d'abord sur la saga Mario et Luigi ou la saga Paper Mario ? Belle a dit quelque chose, mais j'ai rien compris. C'est, je veux dire, on choisit les deux chemins, en fait, c'est ça. C'est comme Wonder Boy version plateforme ou adventure. Oui, non. Belle. Oh mince. Bon, d'accord. Donc, non, mais qu'est-ce que vous en pensez ? On part vers les Paper Mario, vers les Mario et Luigi, on fait par ordre chronologique. Moi, c'est comme vous voulez. Après, comme j'ai rien compris ce que Pelle a dit, je suis forcément. D'accord. Ouais, bah c'est pour ça, moi aussi. Ouais. Mais je comprends pas, je suis en vert. Ah là, là, on t'entend. Ah voilà. Là, c'est mieux. Quand tu râles, on t'entend. Donc râle tout le temps. Râle tout le temps. Mais je vais pas arrêter de gueuler, moi. Voilà. On aurait dit que t'avais mis ton micro sous ton aisselle, tu vois. C'était un peu bizarre. Ah d'accord. Non, moi je disais à Beyond, justement, Mario, c'est comme au niveau Wonder Boy quand ça prend deux chemins, quoi. Version plateforme ou adventure. Là, ah, c'était. Oui. Voilà. Et du coup, mais d'un point de vue chronologique, lequel est sorti en premier, en fait ? C'est le Paper premier Mario. Paper Mario ? Paper premier, Mario. Ah bah ok, donc sous. Donc hop, on va voir. Paper Mario. Voilà, alors moi j'ai plus Mario la boîte Paper. Par contre, mais il est là. C'est mon mien. C'est ton tien. Paper Mario. Attends, tu fais la mise au point s'il te plaît ? Voilà. Donc Paper Mario sur Nintendo 64, sorti en 2000 au Japon, en 2001 chez nous. Peu de temps après. Ouais. Et là. Dernier jeu de la 64 Nintendo, chez nous, je crois. Un jeu qui est sorti effectivement très tard. Ouf. Pareil, je montre, pour qu'il soit complet, il faut évidemment les trucs qui servent à rien, hein, que personne n'a jamais lu. Que je et sais même un pas mode que d'emploi c'est. Mouse qui a toutes les langues dedans. Parce que le jeu est multilangue, voilà. C'est super important de le savoir, ça, que le jeu est multilangue. Si, mon assistante. Et donc, Paper Mario sur Nintendo 64. Alors, pareil, je vais pas mentir, je l'ai pas connu à l'époque, moi, celui-là non plus. Ah, et bien moi... Je l'ai vu dans un magasin, alors c'était le Mega Games de Laval, voilà, donc coucou aux vendeurs, hein. Je sais pas s'ils sont encore en activité, mais. Et je l'ai bonne vu. Nuit, bonne nuit, Crazy Seven. Et bonne nuit, Crazy. Je l'ai vu et je me suis dit, je savais pas que ce jeu allait sortir en fait, je sais pas comment je t'ai passé à côté. Et sauf que, j'avais pas d'argent, forcément, hein, quand t'es gamin, et j'ai tanné mes parents pour l'avoir. Pour la voir, et en fait ce que j'avais pas capté c'est que moi je l'avais vu mais en occasion, donc en gros il devait être à 350 francs, un truc comme ça, donc j'avais dit ouais il coûte 350 francs, enfin machin, donc mes parents ils ont dit bon d'accord, et du coup on va au Leclerc pour faire des courses, et ils m'ont dit bah va prendre ton jeu, sauf que là au Leclerc le jeu il était à 550, enfin un jeu 64,9 quoi. Et, ah, et drama, du coup drama. Bah, ouais. Parce que 200 balles de plus, faut pas déconner. Du coup, je l'ai pas eu ce jour-là, mais je l'ai eu un peu plus tard quand même, en le retrouvant d'occasion, je crois, peut-être à un autre magasin. Le drama, tu t'es roulé par terre. Non, j'avais passé cette période, mais j'étais un peu déçu quand même, quoi. En plus, j'avais attendu super longtemps parce que le monsieur de la caisse, il faisait genre, j'existais pas, tu vois, quand je lui demandais pour le prix. Enfin, bref. Et bonsoir Blood. Terrible. Et coucou. Mais donc moi je l'ai connu à l'époque. Oui. Et c'est là où j'ai justement. J'avais fait Final Fantasy 7 et 8. Enfin, plus ou moins commencé. Et je découvrais que les RPG c'était pas que Final Fantasy déjà. Donc premier point. Ouais. Pour moi c'était. Ouais, il y a d'autres gens qui font ça. Et je découvrais surtout. RPG dynamique, ouais, parce que ce jeu-là, effectivement, comme Super Mario RPG avant, quand tu prends ton action, il faut faire, faut bouger le joystick dans un sens, il faut appuyer sur le bouton A, etc. Et donc pendant les combats, Enfin, j'allais dire tu t'ennuies pas, non, c'est faux, mais il faut vraiment être actif. Et j'ai été subjugué par ce jeu. Mais vraiment, ce jeu-là, c'est une de mes grosses claques de la Nintendo 64, quoi. Et alors là, moi, je t'envie énormément parce que moi, c'est pas un titre que j'ai eu à l'époque non plus comme Beyond. Et je regrette énormément en fait. Ah ouais. Mais j'ai génial. J'ai eu quelques temps après, j'expliquerai après comment je l'ai eu. Il y a... Enfin, voilà. Juste alors pour donner donc Paper Mario, Nintendo a confié ce coup-ci. Donc l'idée c'était de faire un nouveau Mario RPG, mais de donner sur le coup une autre dimension au jeu. Et pour cela, ils ont confié ça à Intelligent Systems. Yes. Intelligent Systems, c'est une boîte de développement qui appartient à Nintendo. Et le truc, c'est que au départ, ils étaient là pour faire les ports des jeux Nintendo sur la Famicom, sur la NES. C'est à eux qu'on doit les ports de Mario Bros, de White Gunman, de Donkey Kong 3, par exemple, Wrecking Crew. C'est eux qui ont fait Stack Up, Gyromite, tout ce genre de jeux. Et après, ils ont servi comme boîte pour co-développer pas mal de jeux, notamment sur la Super Nintendo, puisqu'ils ont co-développé SimCity. Ouais. On leur doit Mario Paint, on leur doit certains jeux de Super Scope comme Super Scope 6 ou le Battle Clash et sa suite Metal Combat. On Ah. leur doit aussi Super Metroid qu'ils ont co-développé. Ah, c'est une bonne équipe, hein, quand même, hein. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, sur Nintendo leur a carrément confié au bout d'un moment des jeux et donc sur le coup ce Paper Mario. Nintendo leur confiera également les Fire Emblem. Eh oui. Voilà. Donc c'est pas la première équipe c'est pas la première équipe là tu sais venue pouf vraiment c'est une équipe de confiance et Effectivement. donc ils vont garder la base de Mario RPG c'est-à-dire les sidekicks le combat dynamique le ton farfelu et ils vont rajouter l'esthétique Le tour par tour. Hein. et en quoi consiste l'esthétique de Paper Mario notre chère esthète de pelle. Et ben, rendre des personnages en format papier, quoi, en 2D en fait, voilà, dans un univers en 3D. Ouais, il faut savoir, au début, le jeu au Japon s'appelle Mario Story, parce qu'il n'y a Oui. que les personnages qui sont en mode papier dans celui-là. Et mais ils sont. Ouais, ils ont eu. Je pense qu'ils ont eu un bon fif en appelant ça Paper Mario chez nous, parce que. Bah ça. Ils se sont rendu compte que cette esthétique, c'était vraiment le truc qui faisait quand même un peu le sel du jeu. Et d'ailleurs, Oui, après, pour ceux complètement. d'après, ils sont partis à fond dedans, quoi. Oui, c'est une réussite totale. Ah ouais. Je veux dire, c'est une réussite d'esthétique extraordinaire. Parce que le petit personnage en 2D, ils ont beau être en 2D, je veux dire, ils sont incroyablement bien incrustés dans des décors en 3D, même si c'est de la 3D rudimentaire, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Question de maniabilité et tout. Et l'animation, elle est vraiment géniale. Hein, au niveau Ouais. des mimiques des personnages, ça enrichit encore plus qu'un personnage. Que si le personnage avait été en 3D, en réalité, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, quoi. Enfin, je trouve. Bah, on l'a vu sur beaucoup de jeux 64, hein, effectivement, certains persos tout en 3D, des fois ça passait très très mal quoi. Donc c'est un truc qu'ils ont repris de certains jeux PlayStation finalement, hein, où t'avais certains jeux PlayStation, où t'avais des corps 2D, perso 3D, ou l'inverse, Ben oui, c'était tout. Ben oui, perso parce que 2D, décor 3D. et vice versa, c'était Ouais. soit les décors 3D et les personnages 2D, soit les personnages 3D et des décors 2D. Mais dans le système de Paper Mario, oui, ça reprenait en fait en version plus cartoon les idées de ce qu'on pouvait voir dans un des Breath of Fire ou les Grandia. En fait, c'était complètement la même idée, Ça. non plus maîtrisée, Et hein, ça rend bien. parce que la 3D de 64 était quand même beaucoup plus stable, je veux dire, au point de vue, tu sais, de tremblement qu'une PS5, quoi. Du coup, ça rendait vraiment bien. Ouais, enfin, chaque console était vraiment différente, quoi. Donc, effectivement, il y Oui, avait oui. des forces et des faiblesses sur l'une et l'autre. C'est ça, c'est À ça. noter que, pourtant, à l'époque, enfin, je vois Famitsu lui ont mis 33 sur 40. On peut pas dire que Famitsu ait accueilli le jeu extrêmement chaleureusement sur le Ah coup. oui, C'est vrai ça que peut pour être énorme, mais Famitsu. un 33-40, c'est pas beaucoup en Pour fait, Famitsu, oui. c'est pas beaucoup, ouais. Ah, c'est vrai. Surtout pour un Mario. En plus, ouais, pour un Mario, parce que Famitsu, à l'époque, ils étaient complètement, je veux dire, pris par Vendu. Nintendo. Hein, je veux dire. Et ouais. C'est un jeu qui est encore tout à fait jouable aujourd'hui, hein, qui doit se faire émuler correctement. C'est un jeu qui est très rigolo à regarder en speedrun parce que c'est un peu cassé. Oh la vache, oui. Mais alors par contre, ça c'est une constante avec les Mario RPG, quels qu'ils soient. Hein. Ils sont brisés dans tous les sens. C'est impressionnant à regarder. Et celui-là et celui d'après encore, ce qui est encore plus vénère, il y a des tricks en plus qui sont vraiment, c'est des sauts frame perfect dans un RPG. C'est-à-dire en termes de technique de speedrun, il y a tout sur un Mario RPG. Il y a le routing du RPG qu'il faut vraiment prévoir en amont, ce que telle ou telle action va pouvoir engendrer plus tard, etc. Il y a les stratégies des combats, il y a les tricks frame perfect, il y a les glitches mais qui cassent le jeu en deux où on skip deux tiers du jeu en sautant à travers un mur. Enfin. Les speedruns de ces jeux sont super super intéressants si vous vous intéressez à la discipline. C'est un truc que je conseille. Okay. Et on a mentionné quand même l'humour, parce que c'est la caractéristique des Paper Mario. Il y a énormément d'humour. C'est à partir de cet épisode aussi. Oui, c'est vrai que le ton change un petit peu. On était un petit peu plus premier degré dans Mario RPG. Là, on va commencer à voir apparaître ce second degré qui va devenir la marque de fabrique de... juste ce décalage constant. Oui, et de même de se moquer un peu même de la série elle-même, c'est beaucoup d'ironie, mais d'autodérision, ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment... Et on est vraiment en plus dans la farce, mais dans le sens un peu théâtral du terme, et parce que tout le jeu en plus est mis en scène comme une scène de théâtre justement. Donc c'est assez bien foutu de ce point de vue-là. La bande son aussi est. Elle a son lot de musique assez sympathique. Hein. Enfin, pour moi, c'est un bon toisson. Voilà, c'est un jeu. C'est pas le meilleur jeu de la 64, mais pas loin, je pense, pour moi. Hein. Donc, le petit mot rapide du collectionneur. Pour acquérir ce jeu, il va falloir aujourd'hui dépenser une centaine d'euros en loose. Ouais. Et pareil que Super Mario RPG, entre 250 et 300 euros complet. L'avantage, c'est que vu que c'est un jeu qui est sorti chez nous, il est peut-être un petit peu plus facilement trouvable. Et donc, pour la petite anecdote, ce jeu-là, je l'ai acheté dans un dog game qui a fermé depuis. Je l'ai payé 12 euros. Voilà. D'accord. Donc, je suis banni. Alors, Beyond, hop, voilà, on ne le voit plus. Voilà. On voit plus. J'arrête. Bon, sur le coup, on va continuer par ordre alphabétique, je vais dire, par ordre de sortie. Et le jeu suivant, sorti en 2003, c'est Mario et Luigi Superstar Saga. Ma copie de Micromania. Hop. Moi, le mien, il est là, mais la boîte est absolument dégueulasse avec les languettes qui sont arrachées, là, tout ça, il y a du scotch, il n'y a même pas la cale dedans. C'est pas grave. Beaucoup de jeux la cale. Mais l'avantage sur commun, c'est que c'est un original. Pars, ouais. Hop là. Et sur le coup, on va montrer l'autre. Il est là. Et son remake sur 3DS. Voilà. Moi je l'ai la cale. Et... le gars, moi j'ai la cale. Regarde, t'as vu, c'est beau. Hein oh. J'aurais pu prendre celle d'un autre jeu. Voilà. Et non. Mais donc, ouais. Là on est dans un Mario RPG aussi, mais ouais, ils ont pris une petite approche différente. Hein. Je sais pas qui veut en parler, mais. Là, on fera coucou à Romain, je sais pas s'il est là, mais c'est son jeu de la vie, donc c'est son premier jeu vidéo. C'est un viewer qui passait dans le coin, je sais pas s'il nous regarde là, mais petit coucou à lui. Et donc, le truc, oui, Mario et Luigi, voilà, ils se sont dit, voilà, on est sur Game Boy Advance, et il se trouve que la Game Boy Advance, elle a deux boutons, et donc ils ont eu l'idée rigolote de dire, ben, on va faire en sorte que Mario et Luigi fassent équipe et que on va leur attribuer finalement un bouton à chacun. C'est un petit peu ça l'idée de base. Ouais, c'est le principe de base. Donc, c'est-à-dire pour sauter avec Mario, ce sera le bouton A, et pour sauter avec Luigi, ce sera le bouton B, pardon, voilà. Et dans les combats, même chose. Pour faire les actions avec Luigi, ce sera le bouton B. Pour faire les actions avec Mario, ce sera le bouton A. Ce qui au début m'avait provoqué quelques confusions, puisque du coup, quand je voulais annuler, j'appuyais sur B, mais enfin bref, c'était pas le bon bouton, quoi. Et le système de combat aussi a changé. Puisque maintenant, chaque personnage aussi est contrôlable dans le combat, et on peut virtuellement faire tout le jeu sans se faire toucher. Parce qu'on peut esquiver les attaques des ennemis complètement, en sautant par-dessus ou en attaquant avec le marteau si l'ennemi nous jette une boule de feu, par exemple. Ce qui rend le truc assez complet comme jeu, je trouve. Mais pas évident, surtout le boss de fin. Alors, ça fait partie justement, s'il y a bien un reproche qu'on peut faire à ce Mario Luigi, c'est son boss de fin où on a une espèce de gap débile, où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On joue au même jeu. J'ai oublié de leveler, qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Bon. Petite faute d'ailleurs, soit dit en passant, ils n'ont même pas corrigé ça dans le remake, hein. C'est un petit peu dans le même style. Ouais. Et peut-être aussi on peut reprocher à l'original une recherche des collectables qui n'est pas encore tout à fait en place, surtout pour savoir ce qu'on a fait et ce qui nous manque, tout Ouais, ça. c'est assez compliqué, effectivement, cette gestion. Mais bon, c'est pas le plus important sur celui-là, je pense. Comment ça s'appelle? Les haricots, là, Oui. les pois, c'est ça, c'est des Oui, les pois. pois. Ouais. Les beans. Le jeu, dont le jeu a été fait par Alpha Dream. Et Alpha Dream, ben en vrai, ils sortent un peu de nulle part. Autant Intelligent System, on sait qui c'est. Autant Alpha Dream, ils ont fait un jeu Game Boy Color et un jeu sur Game Boy, un RPG Game Boy Advance. Et sur le coup, et un épisode d'Amtaro, la belle affaire. Respecte un Et tarot là-haut. surtout, ben, ils vont notamment carrément leur confier. Alors, je sais pas comment ça s'est fait d'ailleurs. Mais c'est plutôt rigolo, voilà, à l'époque que Nintendo ait l'idée de confier ces jeux à deux équipes comme ça différentes pour voir en gros ce qui va en sortir, quoi. Le truc avec Superstar Saga, c'est que. Bah les jeux, déjà à partir de ce premier épisode, la série va commencer à acquérir son ton. Alors, on a aussi un ton qui est rigolo, mais pas comment dire, moins second degré que Paper Mario, mais des moments qui sont un petit peu délirants quand même, un C'est peu. vraiment c'est plus le délire total en fait celui-là j'ai c'est enfin ouais c'est vraiment complètement Pardon. ça part en vrille quoi et même le nom Déjà des pour lieux celui-là, hein on oublie Bowser, hein. On oublie non Bowser. Bien c'est sûr. plutôt Bowser qui s'oublie D'accord. mais il est là, il est là. On va dire qu'il est là, il est là. Mais ouais, on arrive dans un royaume de Végésia, donc avec la princesse, le prince Rico. Enfin, non, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom français. Enfin, ça fait le prince Harico. Enfin, voilà, enfin bref, toujours des blagues à la con. Mais ouais, c'est un humour. Là, c'est vraiment du délire total, quoi. Avec ce tonneau de soda qu'il faut raconter des blagues pour lui faire gagner en force et en caractère et qui finit par nous attaquer. Enfin, il y a des trucs, il y a des situations, tu te dis, mais oula, mais ils sont pas bien là. Ce qui rend le jeu excellent, hein, en fait, du coup. L'autre particularité aussi de Mario Luigi par rapport à Paper Mario, c'est son platforming. Alors, c'est du platforming léger, hein, attention. Mais le fait de pouvoir avoir plusieurs possibilités avec les deux frères fait qu'on va devoir résoudre des petites énigmes, des fois accéder à divers endroits, essayer de comprendre comment utiliser les pouvoirs, dans quel ordre, et il va y avoir pas mal de choses cachées dans le décor. Alors, il y a aussi des choses cachées dans le décor de Paper Mario, mais il y a moins de il y aura toujours moins ce côté plateforme. Je sais pas comment expliquer. Il y a de la plateforme. Ouais, mais il y a moins d'interactions possibles parce qu'en fait, les frères Mario ont des pouvoirs qu'ils peuvent utiliser en extérieur. En fait, ils peuvent gérer des boules de feu, boules d'électricité. Il doit y avoir la foreuse aussi. Enfin, ils ont vraiment des pouvoirs d'exploration. Que dans Paper Mario, t'en as quelques-uns, mais c'est l'accent est vachement moins mis dessus, quoi. Là, vous allez pouvoir rapetissir un personnage pour prendre des passages secrets. Vous allez pouvoir faire des espèces de toupies pour voler plus loin. Enfin, il y a vraiment, il y a plein de petites choses à faire comme ça. Notez que le jeu aujourd'hui est encore tout à fait acceptable sur une Game Boy Advance. C'est même joli dans son style et dans son approche. Bah oui, les jeux Game Boy en pixels sont toujours très jolis. Et Nintendo, en plus, a réussi quelque chose de vachement bien, et on ne dit pas assez, c'est que le remake qu'ils en ont fait sur 3DS, que j'ai montré plus tôt, est lui aussi réussi graphiquement, tout en étant différent. Je trouve ça fou, parce que du coup, le celui d'avant n'est pas rendu obsolète du tout. C'est vrai que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Le remake vaut le coup aussi, quoi. Enfin, aussi bien graphiquement que dans ce qu'ils proposent. Ouais, c'est là que c'est fort parce que c'est là encore, t'aurais pu te dire que l'utilité du remake n'était vraiment pas visible à premier abord, quoi. Franchement. Ouais, mais. Autre que le faire découvrir à ceux qui l'ont pas découvert à l'époque la GBA fait. Mais pour ça, oui, je suis d'accord. Mais là, vraiment, la patte artistique, mais sur les versions de toute façon 3DS, on y reviendra peut-être plus tard, est vraiment excellente sur le remake. Et malgré, enfin voilà, le remake ajoute un petit jeu qui s'appelle donc c'est les sbires de Bowser qui, franchement, l'achetez pas pour ça. On va dire ça comme ça. C'est totalement aléatoire en fait. C'est du tactical, mais aléatoire. Vous contrôlez pas grand chose. J'ai pas trouvé ça très intéressant pour être honnête. Les sbires de Bowser, ils l'ont remis dans le remake qu'ils ont fait après, mais ils l'ont peut-être amélioré. Je sais pas. J'espère. J'y ai jamais touché. J'ai fait toujours la quête principale, j'ai trouvé ça. Je suis pas arrivé à trouver ça intéressant. Sur le coup, j'ai totalement pas insisté. Et donc, partie collection, le Mario et Luigi Superstar Saga sur Game Boy Advance est pas très onéreux. On arrive à le trouver à 15-20€ en loose. Et on le trouve 50€, on va dire, en boîte. Autour de 50 balles, on peut le trouver même moins cher. Mais. Et c'est là que j'amène le mais Game Boy Advance traditionnel. Énormément de copies et de contrefaçons circulent sur Game Boy Advance, des repros. Et le problème de Mario et Luigi, c'est que c'est un Mario et Luigi, donc sur le coup, il y a beaucoup de repros. Donc le mieux, évidemment, c'est d'arriver à ouvrir la cartouche lorsque vous arrivez à la trouver, dévisser la petite vis et bien vérifier à l'intérieur ou regarder comme ça. Bon, regardez comme ça, ça marche pas toujours. Mais malheureusement, c'est un jeu qui connaît pas mal de contrefaçons. Ce qui est stupide parce qu'en plus, il vaut pas énormément cher quand c'est un original. Donc, voilà. La version 3DS, je mentionne même pas, c'est un jeu que vous trouvez à 10 balles, en occasion. Oui, elle est suffisamment récente pour pas être trop onéreuse. Je vais faire. Vas-y. Mais en fait, le drame des jeux chinois GBA, enfin des contrefaçons, c'est que c'est pour beaucoup des jeux qui sont déjà pas cotés. Donc je comprends pas en fait trop l'idée de d'avoir inondé derrière. Je veux dire, c'est pas comme si en fait t'as les gens qui font des repros de jeux Super Nintendo dans le but de les refourguer pour essayer d'arnaquer des collectionneurs bien précis. J'ai jamais tellement compris en fait l'idée derrière tout ça, mis à part que ça va être rentable. Donc ils le font, je comprends pas tellement. Je comprends pas tellement. C'est les jeux où on les calcule avec une espèce de point sans voir très gros, c'est sur la carte du jeu en fait en elle-même, je crois. C'est comme ça. Il y a plusieurs façons de les détecter. Ouais. On pourrait faire maintenant qu'on a de la vidéo, mais là, on pourrait faire un podcast de façon qui fait que même des fois sans ouvrir la cartouche, des fois c'est très très bien fait. Voilà. Donc le mieux, c'est d'ouvrir la cartouche. C'est vraiment la façon la plus simple vraiment de un tri-wing, une ouverture de cartouche et voilà. Sauf quand tu vois généralement sur les cartouches, t'as la puce en fait de ROM qui est de marque MX, je crois, un truc comme ça. C'est ça, oui. Donc dès l'instant où tu vois que c'est autre chose, déjà, c'est que ça pue. Ouais. Mais il faut l'ouvrir. C'est particulier. Je vais en profiter instant actualité. Je sais pas si... Ouais, si on voit. Waouh, wow, il y a le jeu à travers le fond vert, excellent. le jeu m'a coûté, c'était son prix à l'époque, hein, 40 balles. Juste pour info, parce que j'ai fait mes recherches, là, j'ai fait mes leçons hier parce qu'il y a un sujet qui est brûlant. 40 balles en 2003, c'est l'année où le jeu est sorti, ça équivaut à 51 euros actuels. À titre d'information. Parce que l'inflation en fait en 15 ans là, elle a été assez énorme. Et c'est un truc qu'on a tendance à oublier là, parce que je fais référence à la polémique sur le prix des jeux PS5. Oui. Ça fait très mal au cul, honnêtement, quand j'ai vu les 80 balles. Alors, c'est les 80 euros sur le PSN, mais ça sera peut-être moins cher en boutique, mais il y aura quand même une augmentation. Au début, je me suis dit, oh putain, les bâtards! Mais quand tu réfléchis, tu te rends compte qu'en fait, le jeu vidéo, il a jamais baissé de prix, il a jamais augmenté de prix, voire il a baissé de prix depuis les 20 dernières années. Tu te dis que ça pouvait pas durer comme ça, en fait. Il y a un moment, ça allait craquer, quoi. Quand les coûts de production qui augmentent et l'inflation qui augmente, il y a un moment, fallait que ça arrive. Ouais, c'est pas tant la question. C'est le fait que ça tombe en 2020. Et que, voilà, vu le nombre de gens qui ont perdu leur boulot, ou alors perdu une grosse partie de leur revenu en 2020, faire ça maintenant, je ne sais pas tellement. Voilà, c'est plus ça, moi, personnellement, que je critique. Mais le truc, c'est que du point de vue d'une entreprise, c'est le moment où il faut le faire, parce que l'entreprise aussi, elle va avoir des pertes énormes cette année. Tu vois, l'économie, elle est down, là, c'est bon, c'est mort. Donc du coup c'est un coup dur parce que 80 balles pour n'importe qui c'est énorme. Après, même les jeux comme tu le disais, de toute façon moi, mais même les jeux à 70, personne ne les payait 70. Enfin pas moi. Magasin, ils n'étaient pas à 70. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont augmenter mécaniquement les jeux, même en magasin, ils vont prendre aussi 10 balles, je pense, c'est sûr. Enfin, ils prendront la même différence. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses en suspens. Je pense que c'est une raison pour laquelle déjà les annonces ont été très tardives chez Sony. C'est déjà pour pas laisser le temps, mais il y aura après, il faudra voir combien vont les vendre certaines grandes surfaces, jusqu'où les prix vont pouvoir descendre. Il va falloir voir la réaction du public aussi, parce que Sony n'est pas à l'abri aussi de backdash si le public vraiment réagit mal. Mais l'autre point polémique qui par contre pose beaucoup plus de questions, c'est quand on lit que les États-Unis paieront les jeux 70$ et que nous on les paiera 80€. Là par contre, c'est plus compliqué à justifier. Parce qu'avant c'était 70$, 70€. Parce que après les États-Unis, le prix affiché hors taxe et tout, enfin voilà. Ouais. Là, c'était déjà une injustice parce que $1, 1€, c'est pas vrai. Vu qu'après les États-Unis, ils payaient $70 ou $60, j'en sais rien, mais après ils avaient des taxes qui s'appliquaient, qui payaient après, qui sont pas affichées aux États-Unis. Ouais. Donc en fait, c'est tout, grosso modo la même chose. Là, par contre, t'as l'impression qu'eux, ils ont pas eu d'augmentation. Et nous si. Et là tu t'es dit bah non, je suis pas d'accord. Ou alors le dollar a pris une grosse claque, enfin ou l'euro a pris une grosse claque, c'est possible aussi, j'en sais rien, mais bon voilà. Je voulais juste faire réfléchir les gens sur ce sujet là, tout en étant d'accord que quand j'ai vu 80 balles, j'ai fait oh bordel. mon Spider-Man, mon Demon's Soul, non. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Ouais. Je voulais, c'est juste que là j'avais l'étiquette sous les yeux, je me suis dit tiens, je vais rechercher. Et donc sur le coup, retour en 2004. Puisque chronologiquement, l'épisode suivant à sortir, c'est, allez, le chef-d'œuvre. Oui, vas-y. Oh, Masterpiece. Ah bah oui. Chef-d'œuvre. Alors je ne le sors pas, mais je l'ai aussi. Thousand Years Door. Et à la porte millénaire. Alors moi je vais direct, disons, je commence vite fait, hein. C'est le premier Paper Mario que j'ai fait en réalité, moi. J'ai découvert la série... Le truc que personne lit. C'est toujours le truc que personne lit. Bah vas-y alors, parle-nous-en alors. Voilà, donc j'ai vraiment découvert les Paper Mario avec cet épisode-là. Alors, je connaissais déjà Mario RPG en émulation auparavant, mais le premier Paper Mario 64, je l'ai fait après, à cause de cet épisode-là, tu vois. Parce que ça a été une baffe, mais monstrueuse. Je veux dire, le gameplay, l'histoire, l'univers. C'était la première fois que je voyais un univers Mario où il y avait vraiment un lore, tu sais, quelque chose de défini, un univers, une aventure. Parce que je veux dire, les histoires dans les jeux Mario, c'est quand même la dernière chose qu'on regarde habituellement, Oui, quoi. bah on s'en Et fout globalement. voilà, c'est ça, quoi. Et Il là, saute, il il y avait sauve la vraiment princesse. C'est ça. Je veux Exactement. dire, chaque Dans cet personnage ordre. qui nous accompagnait avait des attaques techniques. Alors moi, j'étais quand même très très friand de RPG à l'époque, hein. J'en avais déjà fait beaucoup, hein. En tour par tour, ça a été un coup de foudre énorme. Et pour moi, je pense vraiment que c'est mon jeu préféré sur GameCube. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Bah franchement, c'est valable. Voilà. Je valide cet Oui. argument. C'est pas mon cas, mais je valide totalement parce que Et bonsoir aussi, Big Arnaud. Et salut Bigornoob. C'est typiquement le genre de jeu là où, en gros, voilà, ils ont pris le premier et ils ont dit on va prendre le premier là et on va mettre tout x12. En gros, le scénario et l'humour un cran au-dessus. Là, ils sont passés. Dans la DA, là, la DA, ça On va, c'est magistral. on va redire quelque chose encore une fois qu'on dit souvent et je répète et je ne cesserai jamais de le répéter. Et bonsoir City. Les jeux GameCube, enfin, je sais pas, il faut vraiment avoir vécu ça à l'époque. Les jeux GameCube, techniquement, Ah ouais. c'était un autre level. Et Oui. celui-là, il vraiment, enfin, c'est waouh! Mais je suis content que tu sois d'accord avec moi, en fait, Oui. Fabien. Ah Ah ouais, ouais, c'est le là. jeu, il est fou, quoi. Complètement fou. Il y Là, on a avait vraiment la DA full. déjà. Alors attendez. La DA full papier. On a toutes les animations qui vont avec le des décors qui vont se plier, se déplier en fonction de si t'appuies sur des interrupteurs. Plein de Avec personnages. des mondes, avec leur propre identité, mais très forte, tu vois. Tu avais le monde un peu des ténèbres avec les personnages, les arbres en ombre chinoise et tout. Il y a des effets complètement fous. Mais bon. En fait, le jeu change pas énormément d'un point de vue gameplay par rapport à ce qu'a été le premier Paper Mario, Ouais, c'est mais vrai. tout est sublimé, tout est parfait. Le rythme est beaucoup mieux maîtrisé. La mise en scène est folle, surtout sur les boss. Voilà, le jeu est fantastique. Vraiment, moi aussi, je fais partie des gens qui. Là, les combats, on est vraiment littéralement sur une scène de théâtre, avec le rideau qui s'ouvre, qui se ferme. On a le public. Si on fait des conneries, le public, des fois, va nous balancer des trucs à la gueule. Enfin, Ouais, c'est ça. Et là, tu vois qu'en fait, les critiques du public jouent dans le gameplay en plus. Enfin, c'est complètement dingue, hein, franchement. C'est génial. Ouais, chef-d'œuvre. Ça vraiment, c'est je j'ai pas peur de lire chef-d'œuvre. Il Oui, y a des celui-là, c'est. phases alternatives, un peu de plateforme où on va contrôler Bowser encore une fois. Enfin, Milliards de secrets cachés partout, c'est 1 milliard, c'est bien partout. et des plus de quêtes annexes aussi. En fait, le seul problème de ce Paper Mario, bah, ça va être son tarif. Vous le voyez venir. Parce que je sais pas à combien il est en ce moment, toi, du tout. Super Paper Mario, si vous le voulez. Alors évidemment, on est sur. Alors par contre là, on est passé sur GameCube, donc ce qui signifie que pour avoir la version française, il faut donc que la jaquette évidemment soit en français. La note, le manuel est en français aussi. Le disque, lui, quoi qu'il arrive, contiendra toutes les langues. C'est un jeu qui aujourd'hui se négocie entre 100 et 150 euros complet. Voilà. Sérieux? Ouais. Ouais. La Waouh. peau du derche. Ouais. Les Complètement. jeux GameCube ont eu tendance à pas mal monter ces derniers temps Ouais, et il ne fait ouais, pas exception. ouais. Mais la GameCube, elle a beaucoup de petits bijoux comme ça, Et hein, je n'ai pas franchement. la moindre idée de quand ou comment je vais acheter ce jeu. Je sais même plus. Bah La GameCube a celui-là. la beaucoup de petits vieillesse. bijoux comme ça, qui faudrait. Là, c'est ces jeux-là, en fait, que Nintendo devrait ressortir. Ah C'est ces ouais. jeux GameCube qui Là. sont introuvables. C'est ces Mais jeux-là. ça là, ils le Et ressortent. dans. Et dans. Et dans 10-15 ans, on dira la même chose avec les jeux Wii U. C'est possible? Ah mais Bah non, clairement, je ils le pense font aussi. déjà, ils le font déjà là. Oui, c'est vrai que les jeux Wii U sont déjà tous ressortis. Ils sont presque tous ressortis. Qui c'est qui manque ? Pas beaucoup. Mais le... Moi, je l'avais acheté à l'époque, en fait. Il était sorti presque en même temps que Metroid Prime 2. Et j'avais de l'argent pour un jeu. Metroid Prime, je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix là, parce que pour moi Metroid Prime c'était le meilleur jeu de l'univers en fait. Je considère toujours que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Mais je suis parti sur Paper Mario, sans doute que je voulais me marrer ou que j'avais pas assez de RPG sur GameCube, ça devait être ça je pense. J'avais lu le test avant ou pas? Non, j'avais pas lu le test, j'y allais vraiment juger la GameCube. J'avais tous les tests YOLO, que je voulais, là mon père il m'imprimait les Nintendo Mag donc je fais ce que je voulais, mais j'y allais vraiment. Au jugé, et j'étais plutôt parti sur la porte millénaire. J'ai eu Metroid Prime 2 plus tard, et je regrette pas. Hein. Enfin, le jeu est incroyable, il est vraiment incroyable. J'ai pas d'autres mots pour en parler. Mais t'as raison, avec Baton Kaito, ça faisait vrai que la GameCube elle a plein de petits bijoux. La GameCube, alors non seulement, alors c'est surtout, alors en ces temps-ci, c'est ça qui est rigolo. La GameCube avait des grosses exclus et avait des jeux qui proposaient des choses techniquement qu'on ne voyait pas à côté. De toute façon, ne serait-ce que déjà avec Luigi's Mansion, ils ont déjà Nintendo montré des choses assez dingues techniquement. Et ça n'a cessé d'être comme ça pendant toute la génération GameCube. Moi, GameCube, à l'époque, c'était mon premier choix et c'est la console que j'ai le plus aimée à l'époque. PS2, Xbox, GameCube, quoi, clairement. Bien, je te l'ai déjà dit, mais c'est la même chose pour moi. J'ai eu la GameCube avant la PS2. Tu me copies, c'est celle-là que je voulais. j'ai eu la GameCube. C'est celle-là que je voulais, moi. C'était la GameCube. Pareil, de mon côté, hein. Moi, c'était GameCube. Hein. J'avais vu Smash Bros. Melee et Luigi's Mansion, et j'ai fait, je vois même pas pourquoi j'achèterais autre chose. Mais clairement, hein. Franchement, la GameCube... Quand tu regardes aussi, après, c'est vrai que c'est... Bon, je vais citer un jeu qui est un peu mal aimé, mais quand tu vois Pikmin, ce qui est en termes de purement technique, t'as 100 Pikmin qui se baladent derrière Olimar, la console, elle rame pas du tout, quoi. Alors que tu prends l'époque, tu prends les jeux sortis à la même époque sur PS2 ou quoi, t'as des jeux qui rament du cul dès l'instant où il y a 4 polygones affichés à l'écran. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La GameCube, c'était un monstre. Hein. Ouais. La PS2, après, dans sa ludothèque, s'est enrichie vraiment sur la suite. Où là, oui, clairement, il y a des jeux énormes aussi sur PS2, mais la GameCube, techniquement, elle la mettait à l'amende. Quoi. Carrément. Et la Xbox était encore un cran au-dessus, mais bon, c'était la première de Microsoft. Les gens n'étaient pas encore chauds, je pense. Mais... Je crois surtout Mario, la manette en mode. La manette, c'est. Immonde. C'était compliqué. Surtout le premier modèle, le Duke. Il faut les sacrés paluches. C'était terrible. C'était balèze. On parlait de speedrun. Je le dis vite fait. Sachez que le speedrun. Alors, je sais plus dans quelle catégorie. Ça se trouve dans toutes, mais je crois pas. Il y a un des tricks de speedrun les plus difficiles, tout speedrun confondu. Puisqu'il s'agit de faire. Alors attendez, il faut faire 3 manipulations frame perfect d'affilée pour le passer. Voilà. D'accord. Le jeu tourne en 60 FPS, hein, donc. Voilà. Donc, si vous voulez speedrunner ce jeu, accrochez-vous. Accrochez-vous dur. Paper Mario, il est en 60 FPS Sur GameCube, ouais. Sur GameCube, je savais. Je dis une connerie ? Non ? Oui, hein, il me semble. Non, c'est très probable, oui, je te crois. Sur 64, je ne serais pas aussi certain, par contre, mais GameCube, ouais. Mais bon, voilà, je crois que le jeu, il a fait l'unanimité. Et Monsieur Chou, je ne sais pas si tu l'as fait, mais il faut que tu le fasses. Voilà. Bah, le prix, moi, je le fais pas. Ah bah ouais, ouais. Ça, c'est... Ça... Et c'est marrant parce qu'en fait, hier, on parlait de Paper Mario avec un pote. Et je lui disais, le seul que j'ai envie de refaire parce que je l'ai sous la main et que je ne l'ai pas fait, c'est celui sur Wii. D'accord. Parce que c'est parce qu'en fait, le jeu, il m'a coûté absolument que dalle. D'accord. Et voilà, quoi. Bon, on en parlera du coup un peu plus tard, ouais. Après l'épisode sur GBA, je l'ai. Mais j'ai dû faire un RPG sur une console portable. Ça m'embête un peu. Je l'avais fait. Ah oui, d'ailleurs, tiens, c'est ce jeu-là, il me semble, qui a inauguré mon Game Boy Player. D'ailleurs, c'est bon que tu en parles justement, parce que je l'ai fait sur ma GameCube, du coup. le Superstar Saga. Voilà. Pour info. Mais. Donc, je vais dire, on va parler de la version Wii juste après. Mais avant, s'intercale entre ce paper, entre les deux Paper Mario, va s'intercaler le second épisode de Mario & Luigi. Ah, mais alors attends, justement, mais c'est marrant, mais en fait, ils sortent à tour de rôle en réalité. C'est voulu ? Oui, c'est voulu, c'est voulu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas terme ? Mais c'est possible. Oui. C'est à la fois voulu et aussi le fait que du coup, les équipes, quand elles bossent sur leur jeu, du coup. Le suivant, ils ont besoin de temps et du coup, l'autre équipe arrive et dit ouais, c'est bon, moi j'ai mon jeu. Ouais. C'est totalement une compétition en fait là, qui se fait entre les deux développeurs. Donc, Mario et Luigi, Partners in Time. Yes. Et oui. Les frères du temps. Peut-être personnellement mon épisode préféré de Mario et Luigi. Bah, il est excellent. Un truc qui n'existe plus aujourd'hui, un manuel dans 4 langues différentes assez épais. Le truc que personne ne lit. Il y a à peu près 2 arbres là dans ce manuel. Hein. Voilà. Là, c'est super important. Voilà. Et donc, sur le coup, donc, les partenaires du temps qui sortent. Donc, au Japon, je l'avais là, 2005, fin 2005 et début 2006 chez nous, très peu d'écart, un mois d'écart. Et donc, Mario Luigi passe à la DS. Voilà. Oui. Le concept du suite Game Boy Advance, il y avait 2 boutons sur GBA, donc on va assigner un bouton par personnage. Sur DS, il y avait 4 boutons, du coup on va mettre 4 personnages, voilà, c'est le concept du jeu. Et donc c'est la création des personnages version Baby. Oui. Parce qu'on le voit sur la jaquette, on a donc Baby Mario et Baby Luigi. Et bien effectivement, comme tu le dis, un bouton pour Mario, un bouton pour Luigi, un bouton pour Baby Mario, un bouton pour Baby Luigi. Voilà. Ce qui sur le coup va enrichir le gameplay et va surtout permettre aux développeurs de vous mettre des grands moments de, comment dire, de mindfuck, on peut dire. Parce qu'il y a certains moments où c'est juste pas possible de pas s'embrouiller. C'est assez marrant parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des techniques spéciales du coup qui se font à plusieurs frères, quoi. Oui. Et alors quand il y a tout le monde qui est engagé, faut appuyer sur les boutons au bon moment, à tour de rôle, bien vérifier tous les indices visuels et sonores. Et une fois que tu maîtrises bien, ça se passe très bien. C'est vrai qu'au début, mais ils y vont mollo, hein. Au début, tu contrôles que Mario Luigi, voilà, tu prends bien tes marques, ensuite on te rajoute les persos, voilà, ensuite on te rajoute des attaques spéciales. Mais c'est vrai que il faut être réveillé quand tu joues à ce jeu, en fait, tout simplement. Clairement. Ouais. Et c'est un jeu qui, non seulement en plus, parce que la DS c'était pas que 4 boutons, c'était 2 écrans, un dual screen. Et les combats vont se passer sur les 2 écrans. Des fois, il va y avoir des ennemis qui volent, donc ils seront sur l'écran du haut. Et donc, il faudra surveiller ce qu'ils font. Il y aura des ennemis au sol. Il y aura des ennemis qui prennent 2 écrans. Oui, il y a un ennemi, je crois. Enfin, il y en a plusieurs, des boss qui prennent 2 écrans, je crois. Et, oh. Et je viens de m'en rendre compte, en le retournant, il est compatible avec le kit vibration de la DS, dis donc. J'allais le montrer. Alors, je ne sais pas si on va voir. De près, avec une webcam. Ça se signe. Ça veut dire qu'on est compatible avec un Rumble Pack. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, il existe un Rumble Pack tout à fait officiel pour la Nintendo DS. Il était vendu avec le jeu Metroid Prime Pinball. Ouais, c'est ça. Ah ouais, effectivement, ouais. Et le truc, c'est que c'est un vibreur, mais pour la première génération, si on met sur la Lite, ça dépasse un peu, mais ça marche quand même. Et donc, sur le coup, il y a pas mal de jeux première génération DS qui sont compatibles avec ce vibreur, donc c'est pas forcément pas mal de jeux de Nintendo. Des jeux, je crois, pour Super Princess Peach aussi sont compatibles. Il y a plein de petits jeux compatibles avec ce vibreur. D'accord. Les gens ne le savent pas forcément parce qu'il est assez... Alors qu'en vrai, Metroid Prime Pinball aujourd'hui avec le vibreur, ça coûte pas grand-chose. Le jeu est facilement trouvable. Ouais, ouais. Donc, y a moi, pas j'ai fait le jeu des sans vibreur, moi. Non, moi aussi, à l'époque, j'avais pas livré. Il se branche sur le port GBA. Et du coup, GBA. Ouais, et du coup, comme tu l'as dit, DS et DS Lite, mais après, non. Ouais, parce qu'il n'y a plus de port GBA. Il n'y a plus, ouais. C'est un titre. quand même. Ah, oula. On t'a reperdu, Pelle. Le robot. Je vais revenir. Sur le coup, non, je disais, oui, moi, au niveau donc, du rythme, de l'histoire, de tout ça, du gameplay, c'est vraiment mon épisode préféré. C'est celui qui réussit, donc, ben, un peu comme la version GameCube finalement, à prendre ce qu'on a aimé dans le premier, à le sublimer, oui, et ne pas commencer à avoir des gimmicks qui vont commencer à nous agacer dans les épisodes suivants. C'est un peu ça, ouais. Et là, il y a question de voyage temporel, hein, Partners in Time. C'est pour ça que, du coup, bébé Mario et bébé Luigi arrivent avec Mario et Luigi normaux. Et des fois, il y a des résolutions d'énigmes où c'est un c'est un gros paradoxe temporel qui n'a aucun sens, mais c'est génial du coup parce que c'est totalement dans le thème du jeu en fait. Ça n'a aucun sens, mais ça marche. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est génial avec cette saga, c'est que du coup ils se permettent des délires qui ne veulent rien dire. Il y a des extraterrestres aussi, on les voit dans le fond là. Il y a un plot twist final qui est débilement bien amené en fait. Le jeu est bien, le jeu est vraiment bien, pareil. Il est très bon, il ne coûte pas grand chose. Il est facilement trouvable aujourd'hui, il n'y a pas de souci, c'est un jeu de DS, c'est des jeux qui sont tirés à 13 000 exemplaires, donc... Ouais. Et donc, sur le coup... Revenu, Pell, c'est bon. Oui. Je vous écoute. Et donc, tu as joué, toi, Pell, Oui, non, vous avez fait le tour de ce que j'aurais pu dire. Hein. Moi, le jeu est très très plaisant, très riche en possibilité de gameplay en réalité, quoi. C'était vraiment vraiment cool, quoi. Ouais. Et puis une DA en 2D où ils ont repris un peu la patte de la version GBA pendant que Megaman tire sur l'assistante de Beyond. Calmez-vous, mais c'est fini. Oui. Alors justement, c'est vrai que la DA des Mario et Luigi est peut-être moins marquante que celle d'un Paper Mario, mais elle a quand même, elle est toujours classe quand même, quoi. On reconnaît un design de Mario quand il est fait façon Mario et Luigi, quoi, tu vois. Ah ouais, parce que là ils partent dans un truc, je trouve, très cartoon. En fait, c'est exactement le mot que je voulais dire. C'est beaucoup plus cartoon, et même dans l'histoire, ça fait très dessin animé. D'ailleurs, c'est dans les Mario et Luigi, on va commencer on a donc le gimmick de Mario et de Luigi qui parlent, entre guillemets, en faisant comme ça avec les mains, et dans cette espèce de baragouinage quand il y a vaguement de l'italien de loin. Oui. Quand il met quoi. Et je trouve sur ceux-là en particulier, sur celui-là, il y a des situations, tous les personnages parlent sauf Mario et Luigi, donc en version enfant et bébé. Et il y a des situations où ils sont tous les quatre, et tu comprends exactement ce qu'ils sont en train de se dire alors que tu cales pas un seul mot de leur langue, quoi. Juste avec le déplacement des personnages, avec leur mimique, avec le décor en lui-même et tout, ils arrivent à te faire passer des trucs sans te bombarder avec 15 000 bulles de dialogue. Il y a des trucs, il y a des situations énormes. Il y a une situation avec un cookie. Je la détaille pas trop pour ceux qui voudraient garder la surprise. Mais cette scène-là, elle m'a marqué parce que je me suis dit, mais c'est génial parce qu'il y a, tu comprends qu'il y a un quiproquo, tu comprends qu'il y a un qui est triste, il y en a un qui se marre, il y en a un qui a fait une connerie et qui est fier de lui. C'est génial, c'est fou. La mise en scène pour un jeu comme ça, DS, c'est fou. C'est vraiment génial. T'as raison, c'est vraiment bien. Ouais, de toute façon, je vais citer Hitchcock. Une scène de cinéma est réussie à partir du moment où on la comprend sans dialogue. Ah bah là, on est dedans. Hein. On est en plein dedans. Et, non. Et donc, sur le coup, on est arrivé à l'espèce d'apogée du... Alors, c'est ça qui... Alors ça... Voilà, c'est le moment qui me fait mal au cœur, mais je vais être obligé de le dire. Avec la porte millénaire d'un côté et Partners in Time de l'autre, on est vraiment arrivé au meilleur moment de ces deux sagas. Et paradoxalement, c'est là que ça va commencer un petit peu à... Alors, ouais. Se dégrader, je ne sais pas, mais disons qu'il y a des choses qui vont se passer. Ouais. Et qui font que les gens vont adhérer ou pas à la suite. Enfin, bref. Ouais. 2007, Nintendo a commercialisé sa Wii depuis quelques temps. Et il nous décide de nous sortir, hop, Pépère Mario. Super Pépère Mario. Je pense que Chou est parti chercher le sien. Ou on pourra faire une Triforce. C'est jaune en plus. Il n'est pas à proximité. Alors, je veux dire... Je détaille. Hein. Le truc que personne ne lit, parce qu'il est toujours là, lui. Hein. On aime bien. La pub, les pubs Wii de l'époque, blanche et bleue, avec des gens parfaits qui jouent parfaitement. Alors attention, souvenir, je vous retrouve à mon cœur. Qu'est-ce que c'est donc ? Ah, c'était les points Nintendo, ouais. Et vous avez vu en plus, il n'est même pas gratté mon ping. Putain, le mec, il n'a pas gratté le ping. Mais non, je n'ai pas besoin de celui-là. Et le manuel, bien sûr. Emmanuel, Mario qui se demande pourquoi. Je crois qu'il est gratté. Voilà, la plupart de mes jeux sont grattés. Je ne sais même pas pourquoi celui-là est gratté. Je le découvre en même temps que vous parce que non, je ne l'ai pas ouvert. Pour vérifier, bien sûr. Voilà. Et celui-là, je l'ai acheté neuf, donc c'est mon exemplaire neuf, donc pas de soucis. C'est quand même un épisode, qui a cassé la série, hein. C'est vrai. Je veux dire. Alors, le truc, c'est que moi, alors, je vais dire ce qui s'est passé à l'époque. Je l'ai acheté parce que j'avais joué à Paper Mario sur Nintendo 64. Je vais jouer à la porte millénaire. Je vois Super Paper Mario. Je dis, ah, génial, la suite. Ouais. Je l'achète et j'avoue que il m'a pas plu, non pas parce qu'il est pas bien, mais parce que je m'attendais à jouer à Paper Mario. Bah oui. Ouais, en fait, c'est ça, parce que moi, j'aime bien ce jeu. Franchement, je le trouve vraiment bien. Mmh. C'est pas un RPG du tout, par contre. Voilà. C'est ça, tu t'attendais à Mario RPG, en fait, ouais. De toute façon. Et en fait, pas du tout. Mais il a des mécaniques très intéressantes, je trouve. Donc, c'est plutôt un jeu de plateforme, plateforme et exploration aussi. Et il y a ce gimmick, alors on va voir là le... On va voir derrière. Alors, ah oui, moi c'est peut-être pas le meilleur moyen parce que du coup mon fond vert cache le truc vert. Mais on voit qu'on évolue sur un plan en 2D. Et à n'importe quel moment, on peut changer la position de la caméra pour passer sur un plan 3D et avoir une nouvelle perspective sur l'environnement qui nous entoure et se rendre compte qu'on peut passer au-dessus d'un trou trop grand ou autre parce que ce qui était juste une ligne en 2D, en fait, était une plateforme quand on change la caméra de côté. Et le jeu est basé là-dessus. Ouais. Ah bah ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé le jeu sympa. Je suis d'accord avec toi, moi. C'est exactement ce que je veux dire. Le jeu m'a plu. Vraiment aussi, vraiment. Même si j'étais déçu de ne pas retrouver le côté RPG comme Beyond, hein, c'est évident. Le jeu m'a plu, et moi, il y a un truc qui m'a vraiment déplu dans ce jeu, mais un truc de fou. Hein. C'est la DA. Les ennemis, je les ai trouvés, mais nuls. Mais un truc nul. Voilà, quoi. Le truc en pixel, c'est... Ouais, c'est un peu en pixel, un peu déstructuré. Mais c'est un peu... Ils étaient tout petits, ils avaient... de forme très recherchée, enfin j'ai trouvé ça pas inspiré, tu vois, ça correspond avec l'univers aussi et l'histoire du jeu, donc c'est très dérangeant, en fait j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant, mais pas dans le bon sens du terme, parce que ça collait bien avec l'histoire des dimensions qui s'écroulent, enfin voilà, mais effectivement les ennemis sont très bizarres. Oui, ça c'est pas très moyen. Et on a une progression avec des petites fées là qui s'appellent des pixies, je crois. Oui, c'était des pixies. Oui, ouais. T'as raison. Qui correspondent chacun en fait à un pouvoir différent. Donc il y a une bombe, une plateforme mobile pour passer au-dessus des pics, etc. Ouais. Voilà, des possibilités d'exploration assez intéressantes. Le jeu en lui-même était bien pensé, hein. Je veux dire, les gimmicks du tout étaient originaux. Et je voulais dire, du coup, on évolue facilement et avec plaisir dans le jeu, quoi. Mais j'ai trouvé ça assez peu inspiré et pas aussi épique que ce que pouvait être la porte millénaire, quoi. Voilà, c'est ça. C'était pas épique. Tu vois, ce mec de bol, il a compris ta blague brutale. With your feet on the end, your head on the ground. Non, j'ai dit chanter là. Et du coup, je disais, Chou, on t'a vu partir ta chaise, mais du coup, toi, tu disais que c'est celui-là que tu pourrais refaire parce que tu l'as porté de main. Oui, surtout ça. Ouais. Et mais tu l'avais fait déjà. Tu en as pensé quoi? Bah, en fait, je ne l'ai jamais fait en entier. Je l'avais eu à prêter pendant un mois ou deux. Et quand j'ai vraiment commencé à y jouer, mon pote a voulu le récupérer. Donc voilà. Donc c'est plus tard, en fait, j'ai fini par le racheter. Mais le truc, c'est que ben, c'est un RPG, donc forcément, il faut du temps pour y jouer. Et à chaque fois que je commence un RPG, je finis par puis y jouer pendant 2-3 semaines. Et puis après, ben, je suis obligé de le recommencer parce que je me souviens plus du tout où je suis arrivé. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le niveau entre guillemets système de combat là, c'est bah, les ennemis, donc y a pas d'écran de battle screen. C'est les ennemis en des PV et leur sauter dessus, ça leur enlève des PV, leur balancer une bombe, ça enlève des PV, voilà, et il faut trouver la meilleure stratégie pour les combattre. Mais c'est vraiment du platforming allégé. Je sais pas comment décrire le système de combat en fait. C'est plus du RPG, c'est pas vraiment du platforming. Il y a des éléments de level up, mais plus de combat au tour par tour. Moi, je le mets comme une plateforme. C'est vrai que le système de combat est plutôt, il est vachement original en fait. C'est vraiment un truc qui ressemble Tu peux pas vraiment dire genre ils ont pompé à tel truc ou à tel truc. C'est un mélange de plein d'idées qui fait un tout en fait. C'était pas déplaisant. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça bien. Il y a un gimmick hein, aussi, exactement. Il y a deux fins au jeu, voilà, je vous le dis. Et il y en a une qui peut arriver très très vite. Très très très très très vite. Voilà. Quand on vous demande si vous voulez sauver le monde, assumez vos choix, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord, genre tu mets non et puis blâme. Et game over, c'est ça. C'est tu mets non et puis il te dit mais t'es sûr? Et tu fais je suis sûr. Ouais. Et il fait mais vraiment hein? Et puis au bout d'un moment, en fait, il dit bah d'accord, bon bah c'est la fin du monde. Et puis game over, écran titre, machin. Ah bon bah. J'aime bien cet humour là. Oui, ça par contre, c'est vraiment l'humour des Mario RPG et des Paper Mario quoi. C'est. Alors, l'avantage de ce Mario, Super Paper Mario sur Wii, c'est que bah, c'est celui qui vous coûtera le moins cher de tous. Vraiment, là, lui, il est dispo sans aucun problème. Il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, pas de problème. Un petit truc avec, justement, bah, tiens, lui, il a une particularité. Alors là, on ne peut pas le voir parce que comme ça. Les toutes premières copies PAL du jeu contiennent un bug quand on joue en anglais, en allemand ou en espagnol. Il y a moyen de faire friser le jeu au chapitre 2-2 et devoir reprendre sa sauvegarde si on fait pas les choses dans le bon ordre. Voilà. Ah, je savais pas. Et Nintendo à l'époque a remplacé gratuitement les disques, donc des premières copies. Suis quasi certain par rapport au code que c'est bien une première copie, sans moi je l'ai acheté dès qu'il est sorti, donc je suppose que c'est effectivement bien une première copie du jeu que j'ai. Ouais, moi j'ai acheté Day One aussi, donc je savais et pas. Et sur le coup, ben, j'ai presque envie de relancer le jeu pour tester. Bah, moi aussi. Est-ce que vu que ça fait pas de bug en français, nous sur le coup, voilà, ça nous dérange pas trop. Quoi. Est-ce que mon jeu est cassé? Merde, je veux savoir. Mémoire, t'as une réédition Nintendo Select, non? C'est pas ça? Oui. Oui aussi. Réédité en boîte moche. Oui, c'est vrai. Mais le jeu reste cool. Je veux dire, voilà, petit prix, mais ça reste un bon jeu. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que la réédition, tu peux même la trouver aux alentours de 10, entre 12-15 euros, un truc comme ça. La première version, elle est un peu plus cotée. Je crois que c'est aux alentours des 20-25, un truc comme ça. D'accord. Exactement. Ouais. Mais celui-là, je le vois, je dirais pas à tous les magasins, mais très régulièrement, je le vois. Oui, c'est un jeu très. Mais voilà, c'est clairement avec cet épisode-là où on sent que Nintendo, ils se sont dit, on a deux sagas de RPG avec Mario, il faut qu'on fasse autre chose. Alors que c'était deux sagas de RPG, certes, mais le système de jeu était différent. Donc, il n'y avait pas forcément... enfin, on pouvait le modifier un peu entre chaque épisode, parce que sinon, effectivement, tu finis par jouer au même jeu, mais... Il n'y avait pas moyen de transformer totalement le jeu comme ça, comme ils l'ont fait, et bon, on en parlera après la suite. Mais... la suite, justement, on va alterner comme d'habitude, on a bien compris l'alternance entre les deux sagas, et on va parler donc de l'épisode suivant, donc qui est forcément un Mario Luigi, tout le monde l'a compris, Bowser's Inside Story. Eh oui. Sorti sur DS. Yes. Oh, j'aime bien mes versions fond vert en fait, ça rend trop stylé. Et attention, là, le truc qu'on n'a pas compris, le remake sur 3DS, qui est tellement pas compris, moi, qu'il est encore sous blister. Bah disons que le remake 3DS qui est sorti un ou deux ans après la sortie de la Switch. Et alors, voilà. Donc oui, c'est assez incompréhensible. On peut en parler rapidement. D'avoir fait ce remake qui ne touche rien quasiment au jeu original. À part la DA. Oui, et le rajout des encore une fois, comme je disais, l'épopée de Bowser Jr. là, donc c'est encore une fois ce mode de jeu un peu tactical. Je l'ai pas fait, donc là j'ai pas même pas touché au remake encore, donc j'ai pas d'avis. Je vais pas toucher non plus que l'original. Donc le gimmick de cet épisode, ce sont jeu Nintendo, il y a assez peu de mystère. Hein. Voyage au centre de Bowser. Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Alors, évidemment, vous allez pénétrer Bowser, on peut dire ça comme ça. Et pouvoir alors, prendre son contrôle. Je dirais pas comme ça, moi. Je rajouterai quelques mots entre, non? Voilà. Et voilà. Donc le truc, c'est que vous allez donc manier Bowser, c'est ça? Bah en fait, ouais, il va nous absorber à l'intérieur de lui. Et du coup, on va se retrouver à l'intérieur de lui. Et on va pouvoir, entre guillemets, évoluer dans ses entrailles. Et il se passera des choses. Il y aura une interaction en fait entre Bowser, le monde extérieur, et nous, ce qu'on va faire. Ça, je sais pas si on lui chatouille les narines, il va éternuer par exemple, et puis ça va faire s'envoler un truc. Enfin, j'en sais rien, je dis une connerie là, hein, mais ça va être un peu ça l'idée. Mmh. Et c'est un épisode que j'ai bien aimé, je l'ai trouvé sympa. Je me suis pas autant amusé que dans Partners in Time, mais moi j'avais passé un bon moment dessus. C'est le système de combat là cette fois rodé, enfin on le connaît. Bon, il y a des combats en mode Mario et Luigi, il y a des combats où on est que Bowser, et il y a des combats où on est même en géant Bowser. Oui. Où là, il faut c'est l'introduction des géants entre guillemets que on verra sur dans l'épisode suivant. C'est ça. Ouais. Et du coup, on doit tourner sa DS et la prendre comme si on lisait un livre. Et on va avoir notre Bowser sur la gauche, enfin du coup voilà, le Bowser sur la gauche et l'ennemi sur la droite. Et il y aura des combats de... C'est presque des combats de méca. C'est vrai que la particularité de prendre la DS sur le côté comme ça, comme faisait certains jeux comme Kawashima ou comment il s'appelait le visual novel Hotel Dusk, c'est ça? Je me souvenais plus qu'on prenait la DS. Il fallait souffler pour cracher du feu. C'était les démarches. Ça prend vraiment le support en plus gameplay aussi, et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et on est avec toujours. Comme d'habitude, le jeu qui est tout à fait accessible, et ensuite des challenges un peu plus corsés à la fin qui se débloquent une fois que vous avez terminé le jeu, et pas mal, beaucoup de choses à faire. C'est dans celui-là où commencent les options bonus, donc tu vas avoir un espèce de boss rush, tu vas avoir des... En fait, on en a parlé, il y a des attaques spéciales avec Mario et Luigi. Et du coup, un des modes bonus, c'est un peu dans la salle d'arcade, quoi, ça va être de faire le plus gros score de cette attaque spéciale-là, c'est-à-dire enchaîner 500 sauts d'affilée, ce genre de conneries. Enfin, c'est assez compliqué d'avoir toutes les médailles d'or, hein, honnêtement. Oui, je me souviens de ces trucs particulièrement compliqués. Oui. Et pareil, les combats en mode boss, donc ça va être des boss entre guillemets augmentés, quoi. C'est les boss qu'on a vus dans l'aventure, mais en version un peu plus énervée. Et tu as un boss rush où tu vas tous les combattre et ils se ponctuent par un combat d'un boss que t'as jamais vu. Et c'est assez compliqué. Mais c'est intéressant du coup, parce que ça apporte une bonne dose de challenge, mais compliqué. Voilà, ils ont réservé le challenge. Là, c'est ça qui est bien par rapport au premier Mario Luigi où le dernier boss est difficile. Le challenge est vraiment réservé aux gens qui en veulent aller chercher. C'est là. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, c'est là. Bah, c'était dans leur période justement là où ils ont fait pareil, par exemple avec Mario Galaxy, où voilà, le jeu, tu peux le finir, voilà. Et puis si t'étais vraiment un acharné, après le jeu, t'avais la max, ou entre guillemets. C'est vrai. On n'en a pas parlé, mais Super Mario RPG sur Super NES, ça on l'a dit, c'est Yoko Shimomura la musique. Mais tous les opus Mario et Luigi, c'est aussi elle. Oui. Et notamment, la musique du combat de boss de Mario et Luigi Bowser's Inside Story, Voyage au centre de Bowser, est un gros troll de blind tests musicaux dédiés aux jeux vidéo. Parce que tu l'entends la musique, tu te dis ça c'est le combat, c'est un combat de Kingdom Hearts. Trop pas. C'est le combat de fin de ce jeu là. Et c'est un putain de troll. Il tombe dans tous les blind tests musicaux que j'ai vus auxquels j'ai participé, il y a celui-là. En mode les gens vont tomber dans le panneau quoi. Donc vous faites pas avoir. Si vous tombez sur une musique qui ressemble à Kingdom Hearts dans un blind test, c'est pas Kingdom Hearts, c'est Mario Luigi. Bon, d'un point de vue collection, c'est pas un jeu par ailleurs, c'est un jeu DS. Donc, voilà. La version 3DS est maintenant dispo neuve encore, ça se trouve pour 3 francs 6 sous à gauche ou à droite. Ouais. Le jeu, étrangement, hein, comme on l'a dit, hein, le remake, qui il est bien, hein, c'est pas de problème, c'est le jeu d'origine avec des bonus et puis la nouvelle DA de la série, quoi, mais. Enfin, tu le sors pas un an et demi après la sortie de la Switch, quoi. Étrangement, il s'est pas vendu. Voilà. N'oubliez pas d'ailleurs, Nintendo, nous soutiendrons la 3DS pendant l'année 2020. Et nous venons d'apprendre aujourd'hui que la production est définitivement arrêtée. Voilà. Ouais. Mais c'est. Voilà, mais j'ai envie de dire, c'est logique, quoi. Enfin. Oui, c'est logique. Y a pas tous se sont vu ce qui est en train de se passer avec les ventes de la Switch. Ah ouais. Pas de regret, hein, j'ai envie de dire, pour eux en tout cas. C'est... Et sur le coup, il est déjà 23h15, on va arriver à l'épisode de la Discord absolue. Que je me rends compte, attendez, je reviens. Star. Pardon, voilà. C'était tellement la Discord que j'avais même pas daigné le sortir de mon étagère. C'est dire. Le truc que personne ne lit, je vais le faire à chaque fois. La publicité, parce qu'il faut bien un peu de pub, faut pas déconner. Décidément. Ah, j'ai même mon ticket de caisse. Toujours pas gratté. Hop là, tombé. Et le manuel qui est devenu une feuille volante. Voilà. Hop là. Et donc, sur le coup, décidément, je grattais pas mes points, moi. Et hop, pouf. Paper Mario Sticker Star. Voyons voir. Tu l'as pas, celui-là. Quelle caisse, non. Alors, par contre, moi, j'ai les magnettes de l'époque. Mais D'accord, alors, je te re-bannis. Et donc l'épisode de la Discord. Ah. Bah là, unanimement, j'ai jamais entendu personne en dire du bien. Jamel nous dit que le son était coupé pendant que t'étais pas là. Le son a été coupé. Oh, t'as merde. Coupé le son en général. Bah non. Ah c'est un, il doit y avoir un bug avec le stream deck ou OBS. Alors, bah, on va refaire. Non, mais ça, il n'y a pas. Paper Mario Sticker Stars, c'est de la merde. Alors, donc, le jeu suivant. Non. Non, mais par contre, ouais, c'est quand même un jeu qui avait déçu énormément de fans de la licence. Quoi. Vraiment, là, autant, oui, l'épisode Wii était une cassure par rapport à l'identité du jeu en lui-même. Là, c'est plus de plateforme à RPG. Que là, c'est le jeu en lui-même qui a tout brisé, quoi. Voilà. Donc, la particularité de ce Mario, c'est que ils vont revenir à une de l'extérieur, on a l'impression qu'ils vont revenir à une formule RPG. Et malheureusement, en regardant de près, ils ont remplacé les commandes habituelles des RPG par des stickers, donc. Où le but du jeu, ça va être de jouer des cartes. À utilisation unique, d'ailleurs, pour la plupart, c'est ça ? C'est déjà le cas, oui, c'est ça. Oui. Et donc, on a un deck de cartes. et on doit tuer les ennemis avec ce deck de cartes. On vous dit fondamentalement, en la cité Caps, la cité plutôt, vous allez dire Baton Kaitos, après tout, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ah oui, oui, c'est vrai que ça, Sticker ça... Star, bah, il loupe la marche de la... du système de jeu, on va dire. Ouais. Du jeu, du plaisir de jeu de manière générale. Il y a ça comme ça. Oui, oui. Oui, je suis d'accord. Il va y avoir, en fait, ouais, le fait déjà que bah, on utilise le stickers, ça va imposer une certaine pression quand même. Le jeu est pas mal foutu, c'est-à-dire que les stickers tu peux les trouver assez simplement, mais tu vas toi t'imposer dans ta tête déjà une pression de te dire je vais pas cramer ce truc là parce que on sait jamais. Mmh. Et il va aussi commencer ses délires, enfin non, même pas commencer, c'est si t'as pas le bon sticker, notamment sur les boss, je pense aux boss de fin par exemple, si t'as pas le bon sticker, tu vas en chier, mais genre voire pas y arriver quoi. Mmh. Ça va être très frustrant, très très très très très frustrant. Oui. Donc on a ça. On en parlera, voilà, ça, on en parlera plus dans la version Wii U où là ça explose complètement. Ouais. Mais ouais ouais. Il y a ça. Il y a aussi le fait que avant c'était des zones qui étaient connectées entre elles. C'était pas un, bah, c'était pas un monde ouvert, hein, mais il y avait une zone. Tu allais dans un tuyau pour aller dans les égouts par exemple, et tu sortais des égouts, tu arrivais dans une autre zone, etc. Là, on arrive sur un plateau de jeu et on sélectionne ses niveaux un peu à bah, la Mario Bros, quoi, voilà. Ouais. Et on manque de cohérence d'univers. Dans un RPG, c'est important un peu d'avoir une espèce de cohérence d'univers. Là, elle part un petit peu avec ce système de jeu, je trouve. Alors que paradoxalement, ils vont continuer donc dans leur délire de plus en plus second degré, de plus en plus lulz dans les blagues, de plus en plus. Plein d'humour, ouais, c'est vrai. Bah, tu veux, voilà, par exemple, des trucs tellement cons que j'ai trouvé ça assez brillant. C'est genre, tu es dans Paper Mario, et puis des fois, tu trouves un ventilateur. Mais un ventilateur en 3D, quoi. Un truc, voilà. Et puis quand tu l'utilises en combat, il souffle et il fait s'envoler les ennemis. Bah, ça, c'est le genre d'humour, c'est tellement débile que oui. Moi, je suis super client. Ça marche bien. Le problème, okay. C'est que. Bah, des fois, ces trucs-là sont vraiment nécessaires. Si tu l'as claqué, tu dois retourner ouais. Au niveau 1-1 ou je sais pas quoi, chercher ouais. Pour l'utiliser sur le boss qu'il faut. Enfin. C'est vraiment comme un Paper Mario qui avait perdu de l'ambition, quoi, tu vois. Déjà, ouais. Le fait que ce soit le premier qui soit passé sur portable, parce qu'avant, c'était les Paper Mario, tu vois, c'était les RPG sur console de salon. Tu vois, c'était vraiment un truc mastoc. Et là, tout de suite, sur portable, avec beaucoup de simplification à plein de niveaux. C'est, enfin, vraiment, ouais, c'était décevant, quoi. C'était décevant. Je pense, oui, c'est ça à dire. Décevant, c'est le mot. C'est un titre qui est décevant, qui a beaucoup déçu à l'époque et. Et qui a perdu toute l'ambition des Paper Mario qui était à l'origine. Parce que franchement, je reviens toujours sur l'épisode phare, hein, tu sais, l'apport du millénaire. Mais non, mais c'est vrai, mais tu. Oui. Qu'on parle les deux, mais c'est le jour et la nuit quand même. Tu vois un truc. Ah ouais, ouais, bah oui. Ouais. Enfin voilà. Mais bon. Bon, c'est pas avoir sur le coup pour continuer à avancer un petit peu, parce que celui-là, vous avez compris, on l'aime pas ouais, beaucoup. On va pas tirer sur l'ambiance. De toute façon, il coûte rien si vous voulez le trouver pour l'essayer. Ah, c'est pas mauvais, partie hein, des jeux qui coûte rien, mais c'est juste pas foufou. C'est pas on revient sur le coup, donc, avec l'épisode suivant, en 2013, avec... Donc, on revient à la saga Mario et Luigi, avec... Hop. Lui. Dream Team Bros. Mais... Alors... Dream Team Bros, bah c'est, alors on ne peut pas dire mieux que ça, c'est la suite de Voyage au centre de Bowser. Ouais. Et ils se sont dit, apparemment, les gens, ils ont vachement aimé les combats de géants et tout. Et sur le coup, on va se passer, une partie du jeu va se passer dans un monde onirique, et on va notamment avoir voilà, des choses un petit peu n'importe quoi, pas mal d'utilisation aussi de... des fonctions de la 3DS, et ces combats de géants qui vont prendre une bonne partie du jeu. Ouais, qui sont... Je n'ai pas trouvé ça mauvais, mais c'est vrai que c'est un peu un invasif, quoi. Alors qu'à côté de ça, le jeu, il a des super idées au niveau exploration. Le fait, justement, dans le rêve de Luigi, ça va permettre quelques fantaisies, etc. Déjà, Luigi, du coup, c'est un peu le personnage un peu poltron, et un peu peureux. Il est Oui. très attachant, d'ailleurs, grâce à ça, ou à cause de ça, je sais pas, mais il est très attachant. Et justement, dans le rêve, là, il va un peu s'émanciper et sortir des attaques complètement farfelues, enfin ce genre de choses, ça va rendre super bien. Et c'est vrai que les combats de géants vont un peu casser le rythme du jeu. Il y en a qui sont réussis, mais c'est Ouais. vrai qu'on sent une certaine lourdeur. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Hein. Voilà, on voulait mettre un gimmick, quoi, un gros gimmick. L'arrière du jeu précise, fonction d'aide, les combats, c'est pas votre fort, pas de panique, les indices sont débloqués en cas de défaite. Ouais. On a, voilà, c'est. Ils sont assez punitifs ces combats de géants, oui d'ailleurs. Oui, je trouve C'est aussi vraiment en que fait, c'est. mais en fait le truc c'est que c'est presque des QTE. C'est-à-dire que c'est des QTE mais il n'y a pas marqué le bouton. Pour moi, les combats de géants je les ai un peu vécus comme ça. Oui. Du coup Il y a. ben. T'as tendance des fois à perdre, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'il faut faire, et des fois tu loupes une des phases et tu prends beaucoup, et beaucoup trop, je trouve. Je dis, mais non, arrête le jeu, fais pas ça. Et c'est vrai que les combats, bon, il y en a certains, moi je me souviens, je me suis énervé parce que justement, j'arrivais pas à comprendre. Et ben non, il faut juste comprendre ce qu'il faut faire au bon moment, comme tu dis. Pas du Dragon Slayer, on n'était pas à ce point-là, mais. Non, non, non. Bah, en fait, le truc, c'est que dans l'histoire principale, ça m'a pas bloqué plus que ça. Par contre, il y a encore ces challenges dont on a parlé là, qui étaient dans Bowser's Inside Story, là, au centre de Bowser. Sauf que là, il y a aussi tous ces combats enchaînés, ces Oui. combats de géants. Et là, waouh! Là, j'en ai chié. Hein. Là, j'en garde un souvenir assez marquant et marqué, on va dire. À noter que pour cet épisode, Alpha Dream partage un co-développement avec Goodfeel. Et c'est Goodfeel qui s'occupe des batailles de géants, justement. Goodfeel que vous connaissez pour Wario Land Shake It sur la Wii. Shake Ah. Dimension, qui s'appelait chez nous d'ailleurs. Qui a sorti Kirby's Epic Yarn. Et à qui on doit aussi Yoshi's Woolly World et Yoshi's Crafted World. Enfin, un petit peu plus tard. D'accord. Mais par contre, alors, mais globalement, moi je l'ai quand même bien aimé, attention, parce qu'on a fait la fixette sur les combats de géants, mais comme j'ai dit, après par contre dans les phases d'exploration, il y a des trucs très très rigolos. Hein. Bah, le fait que du coup voilà, on explore l'intérieur du rêve de Luigi quand il dort, du coup ça amène des situations rigolotes. Voilà, il suffit de mettre près d'une source de chaleur dans le vrai monde pour que du coup dans son rêve bah, il fasse chaud et du coup il y ait des Oui. blocs de glace confondus, ce genre de choses. C'est très très intéressant. Et surtout, j'aimerais saluer un truc, c'est dans celui-là qui est apparu cette DA que je trouve magnifique. Cette 2D façon presque peinture, aquarelle peut-être, je sais pas trop la définir. Je trouve ça mais magnifique, c'est-à-dire qu'ils ont inventé un style graphique là. Je pensais qu'on Ouais. avait tout vu en 2D sur console, et en fait non. Celui-là il a débarqué et la Ah, tu DA me elle trouves. est somptueuse, somptueuse. Alors là je n'en parle pas beaucoup parce que je n'ai pas fait moi celui-là. Bah, je t'invite à regarder des screenshots, à le faire, parce que franchement, le jeu il est bien. Voilà, il est bien. C'est pas le meilleur, mais pour moi, il est bien. Il est vraiment même très bien. Et la DH, bah, toi qui aimes bien les DA particulières, tu Ouais, vas ouais, voir, là, ouais. tu vas le voir celui-là. Je savais pas. Ouais. Et c'est fait apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment. Les trucs ont été faits à la main pour la plupart. Donc, Ah oui. ouais. Ah oui. Avec ça. Et c'est un jeu, encore une fois, qui va pas coûter, qui va pas peser lourd hein, au niveau. C'est un jeu 3DS. Ok. C'est trouvable très facilement. Et on va arriver au jeu suivant, qui est l'horreur absolue. Non, le crossover terrible. Le jeu suivant, par les dates, c'est celui-là. Mario et Luigi, Paper Jam Bros. Paper Jam. Alors moi, je suis pas, Ah. je suis pas d'accord pour dire que c'est l'horreur, mais Non, mais ce que je veux dire par là, c'est les deux séries de Mario RPG qui se croisent c'est ça. et s'entrechoquent. Alors, non, je suis mauvaise foi quand je dis que c'est parce qu'en vrai, bah, j'y ai pas joué, donc je peux même pas en parler. D'accord. Non, bah, j'avoue, je n'y ai pas joué, c'est ma fille qui l'a ouvert et qui l'a joué. Eh bah, là où on disait les combats de géants de Dream Team Bros, c'est un peu forcé, c'est un peu pénible, bah là, ouais, c'est pire. Là, il y a des combats de titans carton, ça s'appelle comme ça, ouais, j'invente pas, qui sont des, bah, des origamis en fait, hein. Ouais. Et qui sont pénibles, c'est vraiment les phases pénibles. Ouais. D'ailleurs, j'ai été ravi quand j'ai étudié le speedrun pour le commenter à la SGDQ, parce qu'on les, zappe toutes, toutes. Et c'est bien. Et par contre, les phases d'exploration, du coup, vu qu'on a Paper Mario, on se retrouve avec des énigmes à base de bah, je suis Paper Mario, donc je suis plat, donc je peux aller à des endroits. Pendant que les frères vont faire leurs énigmes à base de bah, je me donne un coup de marteau pour rétrécir, je fais des tourbillons, etc. Et on se retrouve même à avoir des énigmes qui cumulent les deux, c'est-à-dire bah, on empile les uns sur les autres, donc ça fait 3 Mario, donc je peux faire un pont par exemple, ce genre de choses. Et du coup là, en termes d'exploration, on est vraiment dans quelque chose qui est très agréable, j'ai trouvé. D'accord. Les combats, on a 3 personnages, donc un bouton par personnage, ça rejoint un peu le Partners in Time et tout. Donc il y a une espèce de mash-up de tout. Il y a juste pour moi voilà, les combats de titans carton que j'ai pas trop aimé. Et sinon, il y a un truc qui est rigolo, c'est que du coup, il y a aussi bah, Paper Mario, mais il y a du coup Paper Bowser, Paper Peach, Paper tout quoi. Mmh. Et notamment, du coup, bah, on se doute que 2 Bowser qui se croisent, ça fait des étincelles. Et c'est vraiment le combat de coq, quoi. C'est assez rigolo, j'avoue, j'ai trouvé ça assez marrant. Et autre point assez marrant que j'ai trouvé, c'est les deux princesses. Bah, le plot de Mario, c'est quoi? C'est la princesse se fait enlever. Bon, bah là, du coup, bah, c'est les deux qui se font enlever, hein, forcément. Sauf ah, que. Oui. Il se trouve que. Bah, Paper Peach, vu qu'elle est en papier, elle peut passer à travers les barreaux de saccage. Et en gros, les princesses, elles vont se libérer toutes seules. Elles vont vivre leur vie, faire des conneries. Et retourner dans leur cage pour faire genre. Bah, pour contenter un peu les deux Bowser. Pour leur faire croire que c'est eux qui sont un peu les maîtres du donjon, quoi. Et qu'ils ont la main sur le truc. Alors qu'en fait, en vrai, elles s'en battent les couilles. Elles font leur vie. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà. Oui, c'est très drôle. Ouais, ouais. C'est plutôt bien vu, en fait. Puis c'est assez dans l'air du temps, finalement. Donc j'ai trouvé ça marrant. Pour moi, à faire un jour, donc il est là. À noter que c'est le tout dernier jeu de Alpha Dream, ouais, avant leur Bankrout en 2019, qui a aussi. Ah, en fait, bah, non. Oui, il fait quand même une polémique, hein, puisque les gens ont dit. Le dernier jeu, c'est leur remake 3DS. Hein. Oui, d'accord, mais voilà, le vrai. Mais donc Alpha Dream a fermé quelques années plus tard, ouais, et beaucoup de personnes ont dit, mais attendez là. Comment un studio qui bosse pour Nintendo peut pas injecter de l'argent là, dans un studio qui a fait une série qui s'est quand même extrêmement bien vendue, qui marche, qui est bien, hein, globalement, oui, les épisodes ils sont bons. Hein. Mm-hmm. En fait, ça a aussi du bon à l'excellent, quoi. Donc je veux dire, c'est bien. Alors oui. à noter quand même que, enfin bon, après il s'est passé des choses. Ce jeu-là, c'est pas bien vendu, oui, du tout au Japon. Et bon, après, les remakes, effectivement, n'ont pas amélioré la chose, surtout avec le dernier remake qui s'est pas bien vendu non plus du tout. Le truc, c'est que sur le coup, bah, c'est bien finalement que tu nous dises que c'est un jeu qui est quand même intéressant, puisque ouais, c'est un peu un jubilé, c'est un petit peu le... Bah, c'est forcément le dernier Mario et Luigi qui va être créé par l'équipe Alpha Dream, donc on sait qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est clairement pas le meilleur, mais je l'ai vraiment trouvé, je lui ai trouvé des qualités et des bonnes idées, quoi. C'est... Okay. Ah, y a des passages où les rôles sont inversés, je l'ai dit, mais pas que pour les princesses, à un autre endroit aussi. Enfin, voilà, il a des qualités. Ok, mais donc c'est trouvable pour pas cher aussi, celui-là, il n'y a aucun souci. No problemo. Et enfin, on va terminer, ça y est, on arrive à la fin, promis, on est à la fin. Par le dernier rétro, entre guillemets, alors rétro, peut-on parler de rétro, bref, blabla. Hop, le Color oui, Splash. Ouais. Cela Wii U. Alors. Truc que personne ne lit. Ouais, bon, bref. Oui, vas-y. Non, je tenais parce que truc que personne. Il y a quand même cette pub pour ce truc improbable, hein. Mario et Sonic au jeu de Rio 2016. Je tenais à le dire. Il y a un. Pokken Tournament, un jeu de baston Pokémon quand même aussi. Vrai, ouais. Il est sorti des trucs chelous sur Wii U quand même. Hein. On a tendance à l'oublier. Il est même sorti des jeux, il paraît. Ouais. Bah regarde. Bon, et donc, Color Splash, Paper Mario Color Splash. Alors l'idée, c'est que ils vont reprendre la sauce de ce fameux, celui qu'on n'aime pas là. J'ai déjà oublié son nom, Paper Mario... Sticker Star. Sticker Star, voilà, pardon. Et ils vont rajouter le gimmick des couleurs. Alors, ça va marcher comme ça. L'idée, c'est que Mario, avec son marteau, peut redonner des couleurs au décor en mettant des couleurs à gauche et à droite. Il n'y a plus la mousse de peinture. Ce qui fait un espèce de petit gimmick où il va falloir remettre tout ça, les couleurs dans le décor. Et le jeu, après, est basé sur donc, les fameuses cartes, encore une fois, à jouer, et sur la coloration de ces cartes. Le système est plutôt sympa, le jeu est techniquement réussi et tout. Oh, moi je dirais même qu'il est magnifique, hein. En vrai. Oui, toi t'es magnifique, tu dis. Ah ouais, bah ouais. Là, le tu vois le carton, tu vois du carton là. Enfin, vraiment, je le trouve super. J'ai pas fait celui qui est sorti là tout récemment, mais là, vraiment, en termes juste graphique, c'est beau, c'est vraiment beau. À noter que moi personnellement c'est ma bande son préférée de tous les Paper Mario. Ah oui, c'est vrai qu'elle était partie. J'adore la bande son de ce jeu, mais je la trouve vraiment tout pile. C'est le jazz band de Nintendo là, qui a fait des trucs mais incroyables dans le monde des pirates là. Oh la vache, la musique est incroyable. Ouais. Je trouve avec des vrais instruments en plus, ça s'entendait. C'était vraiment beau quoi. Et il va juste y avoir, donc, comme on l'a dit, le problème qui va exploser sur cet épisode-là, bah, ce sont les boss et surtout les cartes uniques. Ouais. C'est-à-dire que là, le jeu, littéralement, il va vous demander de trouver des cartes uniques et de les utiliser contre les boss. Mais attention, pas au moment où vous vous dites que c'est une bonne idée, au moment où c'est prévu par le jeu. Et l'autre truc aussi qui va commencer à partir un petit peu en vrille, entre guillemets, ça va être, comme tu dis, les éléments réels dans le monde de Paper Mario. Où, notamment, on a cette séquence improbable avec le steak. J'y pensais. Faut traiter et cuire de la bonne manière pour satisfaire un personnage. C'est vrai que c'est marrant. Alors, l'idée est marrante. C'est génial. Le problème, c'est que dans l'exécution, ça demande juste de faire un combat qui dure, je sais pas, 4-5 tours, mais parfait. Wow. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix de la démarche. C'est vraiment, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et le truc, c'est que la recherche de trouver la bonne démarche, elle est un poil frustrante parce que, enfin, voilà, il y a des trucs qu'on comprend pas forcément ou voilà, c'est dommage, c'est vraiment le point de faible pour moi. C'est con parce que effectivement, dans le jeu, tu combats un steak. Enfin, je veux dire, c'est tu le dis comme ça, c'est génial, c'est juste, c'est fantastique. Oui, tu combats un steak. Oui. Tu combats un steak. Le problème, steak de la mort pour les fans. C'est que dans un RPG, c'est pas mal d'avoir un peu d'amplitude et de pouvoir choisir des stratégies, qu'il y ait plusieurs choses qui fonctionnent, etc. Là, non, Beyond n'exagère pas. Il y a trois cartes à jouer. Il faut les jouer au bon moment, il faut les avoir, accessoirement, dans son deck. Il faut les jouer au bon moment, sinon, game over. Le truc, game over, point. Voilà. Ouais. Et c'est frustrant. Alors que... je vois que quelqu'un l'a eu. Panique, horreur, alerte, Elmer Bacon attaque. Et le jeu, c'est ça. C'est tu vas aller dans un univers qui est vraiment super beau. Ouais. Repeindre, c'est rigolo. Les combats sont vraiment... Là, ils sont sympathiques parce que du coup, tu perds pas tes cartes, mais c'est un deck de cartes, donc il y a un peu d'aléatoire. Bon, franchement, ça va, c'est sympa. La musique est magnifique. Et puis à un moment, t'arrives sur un boss et là, t'as pas... Des fois, t'as juste pas la carte. Et des fois, bah, tu te dis, ah ouais, ce truc-là, il est en feu, donc je vais utiliser un extincteur. Sauf que bah non, parce que tu l'as pas affaibli avant, et du coup, je sais pas, j'en sais rien, il se passe un truc qui fait que tu as perdu ta carte extincteur, tu ne peux plus l'utiliser du combat, et au moment où le jeu te dit c'est bon, tu peux l'utiliser, bah tu l'as plus, et donc tu meurs, voilà. C'est frustrant. Ouais. Sans ça, le jeu il était très bien. Voilà. Et là, il est juste bien. C'est dommage. Enfin, pour moi, je trouve bien. Mais... Alors, évidemment, Color Splash, c'est un jeu qui va pas. Alors, qui va pas coûter cher, sur pareil, c'est un jeu Wii U. Donc, déjà, il faut une Wii U pour y jouer. Et voilà, ouais. Des jeux, évidemment, qui. Je pense. Alors, je ne me trompe pas, mais je pense que ça va être partie des jeux qui vont être vraiment se cantonner à la Wii U, dans la mesure où on a la suite qui est déjà sortie. Le jeu a connu un succès très limité. Je ne sais pas après si Mario, si Nintendo va se dire un jour que ça valait le coup de ressortir. Tu vois, par exemple, on a eu Mario Odyssey et pourtant il ressort 3D World que maintenant. Ouais. On a Color Splash, on a Origami King, peut-être qu'ils ressortiront Color Splash plus tard. Pour donner une idée, on parle d'un jeu qui s'est vendu à 20 000 copies le premier week-end quoi, au Japon. Semaine au Japon. Bah ouais, bah disons 000, c'est ah là là. Tu sors ton jeu sur Wii U déjà. Tu le sors après le Sticker Star qui a fait bien mal à la réputation de la Sega. Ouais. Et bah bim quoi, dans les dents hein. Alors que le jeu vaut le coup d'œil quand même. Ouais. Quand vous voyez un boss débarquer, allez voir une soluce pour pas être frustré. Pour pas être frustré, et je pense que ça se passera bien. Et sur le coup, bah, ça nous mène cette année hein, avec le dernier en date, ouais. Le roi Origami. Voilà. Alors moi je l'ai pas fait, j'ai pas spécialement envie du coup de m'étaler sur le sujet. Mais... Donc voilà, je dirais rien à part que perso j'ai drop en cours de route, peu lassé par le rythme du jeu et le principe de. Je veux dire, le truc c'est le jeu il pose les enjeux dès les 5 premières minutes et c'est un petit peu comme s'il te dit regarde, ton prochain objectif il est 2 pas plus loin. Que tu fasses un pas et que là ils te disent avant de faire le deuxième pas tu vas faire un super détour par la droite et une fois que tu arrives tu reviens il dit ah mais attends maintenant tu vas faire un super détour par la gauche et que tu as juste l'impression que ton objectif il est devant ton nez et que le jeu il va te faire 10 heures de jeu des tours de con pour juste pas que tu l'atteignes alors que le but D'accord. du jeu il est évident dès le début et au bout d'un moment même si c'est très drôle même si les personnages ils sont à base de du style Bobomb qui dit je ramerai bien mais j'ai pas de bras c'est drôle et voilà, marrer, voilà c'est fait par Mario mais voilà puis après le système de combat on parlera peut-être une autre fois on aura l'occasion d'en reparler c'est pas l'amour fou moi et ce jeu et j'avoue que j'étais un peu déçu mais ça veut pas dire qu'il plaira pas à d'autres bien sûr. Ouais, non, j'ai vu que alors c'était mitigé, il y a eu peut-être plus de déçus que de contents, mais le jeu a eu son petit succès quand même. Ce que j'ai cru comprendre, ouais. C'est qu'il jouait à fond la carte du fan service et que si t'étais vraiment fan de l'univers Paper Mario, il y avait vraiment tu trouverais ton compte. Mais apparemment, c'est les combats où ça pêche. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de trucs super sympas, mais le rythme du jeu perso, ça me va pas. Et on retrouve ces combats où le principe c'est tant que t'as pas compris ce qu'il faut faire. Je suis tombé là, enfin je veux dire, au premier tiers du jeu, il commence à y avoir déjà des boss qui peuvent TOS si t'as pas compris ce qu'il faut faire. Ouais. Et ça m'énerve. S'il n'y a rien à faire, ça m'agace de voir le boss préparer son attaque, de dire mince, j'ai pas compris ce qu'il faut faire, et de le voir faire son attaque et voir tes points de vie qui font du jeu zéro. Je dis mais non, fais pas ça. Et parce que par exemple, dans la porte millénaire, voilà, il y a un boss. Il y a un, je dirais pas lequel, mais il y a un truc qui te permet de rendre le combat peut-être plus simple. Mmh. Mais par contre, t'as vraiment plein de persos dans le jeu qui te disent « Ah, si t'as ça, ça va être pas mal. » voire peut-être, si t'as pas l'objet, tu bats pas le boss. Mais en tout cas, il y a plein de persos qui te disent « Voilà, si t'as ce truc-là, ça va bien se passer. » Tu vois, plusieurs fois, tu vois. Et même le boss lui-même, à un moment, tu le croises et il te dit « Ah là, qu'est-ce que j'aime pas ce truc-là, machin. » Et tu te dis « Ouais, là, il y a... » Là, dans celui-là, tu vas peut-être avoir à un moment un personnage qui va te dire un truc. Enfin, dans Color Splash, dans celui-là, je sais pas, mais dans Color Splash, il y avait à un moment un mec qui disait un truc, mais tu sais, tu tiltais pas, et puis ou alors quand tu tiltais, bah, tu disais, ah, le mec il m'a dit d'utiliser ça, alors je l'utilise maintenant, et en fait, non, enfin, tu vois, c'est mal foutu. Si c'est pareil dans celui-là, bah, c'est dommage. Écoute, voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler Alors, est-ce qu'on fera une rétrospective Switch quand elle sera plus à la mode? Non. Demain. Sur le coup, qu'est-ce qu'on fait-on? On arrête là et on garde le jeu de Pelle pour la fois suivante? Ou est-ce que, ouais, Pelle, tu te sens parler le jeu, ou qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux bien le garder pour la fois suivante. De toute façon, moi, il est gelé sous les yeux. Parce que j'avais beaucoup à dire, en fait, hein, quand même. Sur... Ok, bon, bah, autant le garder pour la fois prochaine. En réalité, je voulais... Je dis pas ça. Je vous dis ça en antenne pour pas les trucs. Je voulais dire ce que je voulais rajouter dessus. En fait. C'est pour ça. J'avais... Ça marche. Puis en plus, comme ton micro, il marche pas très très bien, donc du coup, ce serait bien que tu parles d'un jeu et qu'on t'entende bien, quoi. Ça peut être pas mal, ouais. Mais il y a une raison, c'est que là, il n'y en aurait pas eu pour 10 minutes, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ok. Bon, sur le coup, bon, voilà. C'est déjà, s'il est déjà bientôt minuit moins le quart, on a inauguré cette nouvelle formule. Alors évidemment, quelques intervenants au niveau du lancement. Oui. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes content de voir nos legueux, de voir qu'on peut montrer des trucs comme ça en direct maintenant et qu'on peut jouer avec des peluches. Voilà. C'est bien de présenter les jeux. Hein. Et surtout que tu peux te faire agresser par des peluches. Bah voilà. Mais je peux totalement te faire agresser. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire des retours, à dire si ça vous a plu ou pas, donner des idées, parler de trucs, de machin. Ça suffit. Hey. Et voilà, enfin je veux dire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commentaire, la cloche, tout ça pour nos amis sur YouTube. Moi, j'ai envie de dire merci à tous ceux qui ont participé sur le chat, qui ont été là, qui nous ont écoutés et tout ça, et qui sont même ceux qui sont fait que passer. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit dans quelques temps. On va bien voir comment vont évoluer. Il se pourrait qu'il y ait peut-être une assistante en moi, là, pour tout. Je sais pas. Voilà. Je sais pas si vous avez un mot à dire de plus. Non. Non, je m'excuse moi pour les petits problèmes techniques qu'il y a eu tout du long, hein, mais on va dire que c'était la première. Je bricole des trucs. Mais on l'a pas dit, c'est donc l'overlay, c'est la petite Pelle qui l'a fait là. Pelle, bah oui. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé ton saga Paper Mario barré, les Mario RPG Mario. Je trouve que c'est marrant parce que ça va droit. Dans le ton de la série en plus, je trouve. Allez, on va tester comme ça. Il va sur le coup. Bonne nuit et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, attendez, je clique là. Clique à droite, clique à gauche. Voilà. Et la bonne nuit.